Bonjour et bienvenue sur la petite pause JDR. Oui, vous ne rêvez pas. Après 5, presque 6 mois d'absence, une vidéo débarque sur la petite pause JDR. Enfin, les travaux ont pris du temps. J'étais tout seul avec ma petite femme et mes filles pour faire un peu tout ce que vous voyez là. Enfin, là, vous voyez qu'une pièce, donc c'est le bureau qui va être consacré du coup à la chaîne. J'ai la chance de pouvoir avoir ce bureau juste pour moi. Donc peut-être que quand ce sera totalement terminé, je ferai une petite vidéo pour montrer un petit peu l'espace où je vais être maintenant. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, on va pas aller trop vite. Déjà, là, il faut se dire que ça y est, la petite pause est sortie de la pause. Pour ceux qui, et pour celles et ceux, pardon, qui ont suivi un petit peu le DICE, eh bien, vous avez vu que chaque fois qu'on parlait de ma chaîne, eh bien, c'était des travaux que j'avais rien d'autre à proposer. Maintenant, on va pouvoir reprendre les choses sérieuses. Pour l'instant, la vidéo qui va suivre, comme vous avez pu le voir du coup dans la vignette, la miniature, eh bien, c'est la suite du live Metal Adventure, la session 3. Pendant une période, j'ai pas voulu mettre du double stream YouTube et Twitch, donc je gardais un peu ça pour plus tard pour la chaîne YouTube. Et bien c'est maintenant. J'ai fait un tout petit montage assez sommaire pour que vous soyez, vous puissiez profiter de nos aventures, puisque les lives Metal Adventure vont reprendre également avec tout le reste. Hein, mais ça, faut vraiment vous dire que ça va reprendre doucement, avant vraiment de repartir sur une vitesse de croisière qui sera comme vous l'avez connu avant. Sinon, je vais aussi reprendre la suite de Dead Genesis. On s'était arrêté un petit peu d'un coup. Par contre, on avait continué, nous, à jouer avec le groupe, hein, avec Charlie, Margot, Kemao et Antoine. Les sessions, elles sont là, elles attendaient plus qu'à être montées, donc je vais pouvoir faire le montage maintenant que j'ai un peu plus de temps et vous faire la suite et la fin de 4 ou saison 4 ou 5 de Dead Genesis, il y en a tellement. Je parlerai un peu plus tard de ce qui se passera par la suite. Il y a des choses qui sont prévues, notamment Gotham qui va reprendre et Crime aussi qui normalement devrait reprendre aussi. Avec d'autres lives sur les discussions autour du JDR, des interviews aussi. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard parce que pour l'instant, comme je vous dis, c'est pas totalement au niveau temps pour moi. Je peux pas encore être à fond comme je l'étais avant sur la chaîne. Ça va être du montage essentiellement pour les actuels plays du lundi. Peut-être quelques lives de temps en temps, normalement pour le Metal Adventure et d'autres, on verra. Et plus tard, un peu plus tard, on pourra reprendre complètement la cadence comme elle était avant. Écoutez, je suis super content en tout cas de reprendre l'activité de la chaîne. Ça m'a beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que cette année encore, je serai à Octogone du 29 au 1er octobre. Donc, vous pourrez nous voir avec tous les copains et les copines du JDR, hein, sur un stand où on aura plusieurs chaînes qui sont ensemble, donc le groupe Scandalicious. Et on sera ravis de vous rencontrer encore une fois pour ceux qui sont habitués et pour celles et ceux qui viendront pour la première fois. N'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis de faire votre connaissance et de parler un peu de JDR et tout ça, tout ça. Alors que je parle pas beaucoup plus, après ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé sur la chaîne que bon, je suis un petit peu content. Mais je vous embête pas plus, je vous laisse à votre vidéo de Metal Adventure session 3 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao! It's Et voilà, donc c'est à toi. Je te laisse la main. En avant les tuyaux. Eh bien écoutez, afin de vous préparer à votre arrivée sur Exalia, quoi de mieux que les lumières stroboscopiques des arènes plus ou moins immenses qui animent tout l'OCG, alors que vous avez un tas de salarywomen et de salarymen dans leurs appartements, en train d'attendre patiemment la fin de leur jour de repos, devant leur Omnicom, en train de regarder soit eh bien, les aventures télévisuelles de Stellabel, soit les retransmissions des jeux touristiques se trouvant sur Dust, la planète guerre. Oui, car le tourisme de guerre est quelque chose en forte expansion, surtout depuis le début de la guerre galactique, ça a explosé. Mais dans les autres loisirs que les gens adorent regarder derrière leur Omnicom, vous avez bien évidemment les courses de vaisseaux et les compétitions de fastball. Le fastball, ce merveilleux sport qui se joue avec une balle d'à peu près 15 cm de diamètre qui est équipée de mini-réacteurs, lui donnant en fait des directions tout à fait hasardeuses. C'est un jeu plutôt violent, puisque tous les coups sont permis, et le but est simple, deux équipes s'affrontent pour se foutre sur la gueule et en un minimum de temps mettre un maximum de buts. On compte bien évidemment plus les morts observés à la télévision, ce qui fait monter l'audimat. Et d'ailleurs, c'est un crâne qui vient de se broyer devant votre Omnicom, alors que les hurlements de dizaines de tours au sein d'Exalia se fait entendre. Et pendant que des jeux tout aussi violents qu'impressionnants ont lieu, à l'autre bout de la galaxie, enfin à l'autre bout pas si loin que ça, à la fin d'un tunnel stroboscopique de l'hyperespace, se trouve notre bande de joyauderies. Alors que vous vous approchez effectivement d'Exalia, vous retenez votre souffle et vous sortez du tunnel hyperspatial pour arriver effectivement proche, proche, proche de votre destination. Voilà, quelques jours que vous avez passé à voyager et vous attendez très certainement avec impatience l'occasion, peut-être, peut-être pas, de quitter le Solaria 400 qui vous a été gracieusement prêté par le capitaine Tench afin d'accomplir votre basse besogne commerciale. Donc vous allez arriver tranquillement, tranquillement aux abords d'Exalia et vous allez vous diriger plus précisément vers un de ces satellites, EXA-01. Alors que vous commencez à arriver, vous voyez un balai très important de vaisseaux qui s'entourent et puis surtout, passage obligatoire, s'annoncer à la capitainerie d'EXA-01. Vous entendez les coms qui commencent à grésiller, les senseurs qui ont effectivement sonné dans tous les sens avec les nombreux signaux énergétiques, et les vigies qui ont fait signe à votre capitaine en attendant en fait que celui-ci prenne la parole pour s'annoncer suite à la demande de la capitainerie d'EXA-01 qui disait tout simplement « vaisseau en approche, merci de vous identifier, capitainerie d'EXA-01 ». Le capitaine Barthes le Noir, vaisseau Solaria 400, le voyant vert, identification S400NU20VT de l'Empire de Sol. Nous nous verrons pour vendre de la marchandise. 5 unités de bijoux, 2 unités de tissu, 3 unités de décoration antique et des minerais. Reçu S400NU20VT, ici capitainerie d'EXA-01. Merci de vous rendre auprès du quai 32. On vous envoie le bip de reconnaissance. Afin d'effectuer les procédures de la douane, nous vous envoyons une équipe. Merci d'attendre à quai. Merci à Capitainerie vous. d'EXA-01, fin. Un dernier grésillement et Harold a tout loisir de se synchroniser les mouvements du vaisseau avec celui du satellite pour s'approcher tout doucement, puis de se rapprocher vers le bip et le point énergétique qui a été indiqué en direction du quai. Afin d'accoster, tu réduis ta vitesse jusqu'à ce que le vaisseau se contente de glisser tout doucement, puis tranquillement, avec la précision d'un expert, tu alignes le sas avec le ponton pressurisé, et au dernier moment, Clac. Tu déclenches les rétrofusées pour stopper complètement le vaisseau à la position voulue. À l'aide des copilotes, tu fais tous les micro-réglages afin d'entendre le clang très caractéristique que l'accostage est achevé. Messieurs. Bien joué, Harold. Pour ma grosse main sur son épaule. Merci, capitaine. vous pouvez descendre, c'est bon. C'est, tout est bon. Mm. Ah, une certaine nostalgie. Dernière fois que je suis venu ici, tu t'en souviens, Belette? Ouais. C'était avec nos anciens compagnons. Ouais, ouais. Bon, on va attendre la douane, hein. Bah écoutez, vous attendez. Au sujet à peu près, des minerais, oui. On n'a aucune facture, capitaine, à ce sujet-là. En effet. Est-ce que je peux prendre les devants pour préparer un semblant de facture? Bah, fais-toi plaisir. Hein. Alors. Pendant le voyage. Pendant le voyage, écoute, t'as le choix. Alors, ou tu décides de falsifier effectivement des factures, ou bien, comme vous arrivez sur Exa 01 sur une grosse station, la douane va passer. Vous allez payer de toute façon les droits de douane. Sinon, vous pouvez jouer sur le fait de dire « Merde, ça, on a la facture. On a paumé la facture ou on ne sait plus où elle est. Écoutez, on vous paye la douane pour avoir le bon douane et dans le temps, on espère que ça va passer. » À la fin, s'ils vous filent de toute façon le bon de douane, ça sera très certainement suffisant du fait que vous êtes sur une plateforme, un plateau commercial. Donc, vous seriez sur Palace ou sur un système hautement sécurisé. Là, effectivement, pas de facture, le truc est scellé. Parce que ce n'est pas des matériaux interdits sur la planète. Mais là, il y a toutes les chances du monde, on va dire, pour que ça puisse passer. En étant de bons négociateurs. Bah, écoute, fais quelque chose quand même. Et on l'utilisera au cas où. Deux précautions valent mieux qu'une. Ouais. Voilà. Mais donc, on va partir du principe en disant que... Merde ! Putain, on a paumé la facture ! Je récupère la facture d'un des produits qu'on a déjà, je le copie, je commence à réutiliser à peu près le même format qu'il y a, sauf que je change les lignes qu'il faut pour mettre en place nos minerais et tout ça. Oh là là. Ouais, tu peux faire un test de falsification, c'est dans perception. Ok. De succès. Okay. Bah écoute, durant les jours de voyage précédents, vous avez voyagé 3 jours. Quatrième jour, vous arrivez, bah ça t'a sur tes deux temps de car, tes deux temps de repos, tu as pu t'y prendre, écoute, tranquillement. Donc t'as une facture, elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Ça va être au jugé des talents, on va dire, d'observation, de niveau de sécurité. Des agents des douanes qui sont en train de poindre le bout de leur nez. Donc vous avez une équipe d'agents qui arrive tranquillement par le quai et qui se fait annoncer donc à l'intérieur par un des matelots qui vous dit justement que les agents des douanes sont arrivés. Donc vous étiez peut-être déjà en train d'attendre dans la soute. Bah oui, hein. C'est ça. Voilà. Et donc les gens que vous aviez postés à l'entrée. Arrive avec donc 5 agents des douanes, donc classiquement vêtus hein, du vert corporate de l'OCG. Avec y en a un donc il y a vraiment la tenue on va dire de l'officier qui est là pour faire les relevés, d'autres personnes qui sont plus là pour l'assister. Et au cas où il y a un souci, quelques gardes de l'OCG au cas où, mais ils sont pas lourdement armés ni lourdement équipés. Hein. C'est des agents des douanes. Bon alors, bonjour. Bonjour capitaine, en regardant ses papes sur sa tablette, il commence à regarder capitaine Lenoir. C'est ça, il c'est moi. Il passe un sourcil. Ah, alors, on a vérifié donc le code du vaisseau, c'est bon, et les marchandises. Vous avez déclaré, il regarde un petit peu dans la soute, alors il voit qu'il y a plus de conteneurs que d'éléments déclarés. De toute façon, c'est normal, hein, parce que tout n'est pas à vendre ici. 5 UC, 2 bijoux, 2 de tissus, 3 de décoration, et vous avez parlé de minerai, mais vous n'avez pas spécifié, je crois, le nombre de cargos. Alors, où est-ce que ça se trouve, ça? Bah, je lui montre, hein. Allez, on en a qu'un. Je trouve que ça, on avait un conteneur, hein. On avait deux, hein. On avait lâché un au moment deux. Pendant la tempête. On avait dû en lâcher un. Non, je sais plus. Si, si, on avait dû en lâcher un parce que tu t'es foiré sur tes jets de pilotage. Tu peux pas toujours être bon. Hein. Autant la dernière fois, tu nous as fait du pilotage sur mesure, un truc comme ça. C'était pas évident, c'était en pleine tapette, avec... Bah voilà, ouais. Il était pas dans les bonnes conditions. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, mais ce que je connaissais, c'était terrible. Ouais. Ok, allez, jetez un œil à ça. Donc vous avez les autres qui arrivent, qui se rapprochent en fait des conteneurs et qui en ouvrent sur les lots. Ils les ouvrent pas tous, hein. Ils ouvrent un conteneur de bijoux pour faire une vérification. Ils demandent à faire ouvrir un conteneur de tissu, un conteneur d'objets de décoration antique. Ils regardent, ils jettent un œil, ils rentrent dedans quand ils ont l'espace de pénétrer pour fouiller, à farfouiller un petit peu dedans. Ouais, tout est en règle de toute façon. Ou en tout cas, sur ceux qui visitent au jugé, c'est en règle. Le vôtre, pareil, c'est du minerai non raffiné. Il y en a un qui reconnaît. Ah, vous êtes allé faire un saut sur Aldena? On est passé dans ce coin-là, ouais. Apparemment, ce truc-là sert à faire tout un tas de saletés, mais je sais pas, il le transforme en espèce de liquide ou quoi pour faire comme un carburant pour les planètes sous-développées et les systèmes en expansion. Intéressant. D'accord. Vous travaillez jusque là-bas? Bah écoutez, moi, fait que le transporter, hein, vous savez, ce qu'ils en font après. Bah ça nous arrive, hein. Disons que là, on a eu l'occasion de passer dans le coin, donc bah, voilà, autant rentabiliser le voyage, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que je peux voir vos factures, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, Belette, c'est toi qui as les factures? Ouais, attends. Je cherche ça, donc je fais mine de récupérer un truc et puis je leur tends. Tout ça. Elles sont là. Ok. Alors, il attrape tes factures tranquillement, commence à regarder, à vérifier ce qui est noté, si ça concorde en termes de prix. Il hausse un sourcil, il regarde. Pouf. Oh, tout me semble en règle. Alors. On a dit, bougez pas sur le minaret, où est-ce qu'on en est? Ça c'est là, et vous avez noté le minaret, nanana, ok, ça fait plus ça. Alors, très bien, hop, pour le bon, il me faut 3900 crédits. Bah, j'ai du temps, hein. Donc tu avais de toute façon largement de quoi payer. Wow. Allez, hop, ça la douane, ça c'est fait. Il continue à noter tranquillement et il te remet un papier tout simplement. Il te remet un code avec les différents éléments qui correspondent tout simplement à des bons de douane. Un pour chaque type de produit. Les autres produits, les autres conteneurs qui ne sont pas à vendre de toute façon, va poser un scellé dessus. Ouais. Afin que, bien sûr, ils puissent vérifier, au cas où ils aient besoin de vérifier quand vous barrez, qu'il y a toujours tout ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas de cargaison. Assez. Bon, bah, très bien, messieurs. Combien de temps est-ce que vous comptez rester sur Xa 01? Quelques jours, enfin, pas plus, hein, ton transaction. Ok. On compte combien? 3 jours? 2-3 jours? Ouais, mettez 3 jours, comme ça, si jamais... Si jamais les gars ils veulent se reposer un peu, pourront. Allez. Donc il prend 3 jours et il te sort un papier supplémentaire afin que tu puisses payer tout simplement le droit de quai. Donc c'est le fait de rester sur place et le fait de prendre de la place, ok. Donc pareil, tu payes ça. Donc ça dépend, comme je vous l'avais peut-être dit précédemment, du tonnage de votre vaisseau, de la place que vous prenez et du temps en fait que vous allez rester. Après il y a des choses réglementaires, sinon en fonction des on va dire, de comment vous vous entendez avec les autorités locales, vous pouvez avoir des prix, voire ne rien payer du tout. Mmh. Donc hop, tu commences à passer ton avance, et de toute façon, avant de quitter, vous êtes toujours tenu, si vous avez dépassé, de vous adresser à la capitainerie pour payer le rab. Et sinon, vous avez juste à annoncer votre départ aussi. C'est aussi pour organiser effectivement les temps de départ afin que personne ne s'entrechoque en quittant l'orbite du satellite. Ouais. Messieurs, est-ce que vous avez besoin d'un permis de transport? Alors, permis de transport, Ouais, comme voilà. toutes les nations stellaires, la plupart en fait autorisent le tourisme et les visiteurs de nations étrangères. Cependant, elles sont plus ou moins tyranniques, pour le dire différemment, sur les droits de passage. C'est-à-dire que généralement, quand vous êtes dans l'Empire de Sol, vous avez certaines zones qui sont des zones à touristes et vous n'avez pas le droit de vous balader ailleurs. Voilà, dans l'Empire Galactique, c'est pareil, mais personne n'a envie d'y aller de toute façon. L'Empire de l'OCG, c'est un peu plus léger. Vous pouvez avoir en fait comme ça des autorisations de déplacement et ça vous permet notamment de louer aussi des véhicules pour vous déplacer de manière un peu plus libre, ce que vous avez strictement pas le droit de faire dans les autres nations. Voilà, parce que autant en vaisseau ça va vite de faire quelques centaines de kilomètres, autant à pied c'est vite la galère. Donc effectivement, si on n'a pas de moyens de transport ou si on peut pas se balader un peu où on veut, ça peut vite être chiant. Donc là en fait, ce qui vous dit très simplement, c'est est-ce que vous avez besoin d'un papier vous permettant de louer ou d'utiliser des moyens de transport pour vous déplacer plus ou moins loin sur Exalia en fait, puisque ça appartient sur Exalia. Je pense que oui, hein. Donc si vous en demandez un, de toute façon, pour l'instant vous n'avez pas de souci d'argent par rapport à ça. Si vous le demandez, voilà, il vous fera un papier. Et vous avez une accréditation supplémentaire qui vous permet de vous déplacer plus ou moins librement, on met des guillemets, hein, sur Exalia. Et d'être de louer un véhicule. Donc c'est chose qui est assez rare. Donc il n'y a que dans l'OCG où on peut faire ça simplement. Sur les autres, vous êtes obligé de vous faire balader par taxi. Donc c'est très restreint. Sinon, c'est illégal et si vous Ok. faites choper, Alors, vous en portez. capitaine, on en prend un ou pas? On peut en prendre un. Je vois que ça te fait plaisir. Voilà, c'est toujours sympa de pouvoir se balader. Ouais, bon, on en prend un. Allez, bah tout est bon. Une fois que tous les papiers sont en règle, vous avez payé le quai, ils vous souhaitent un bon séjour sur Exalia et eux-mêmes s'en vont tranquillement pour aller. Effectivement, ils ont reçu un appel, des messages. Il faut qu'ils aillent contrôler un autre vaisseau qui est en train d'arriver. La joie du travail de douanier. Ok. Du coup, là, pour transporter nos marchandises, non, en fait, on va là-bas et puis après, c'est lui qui vient les chercher. Comment ça se passe en général? Alors, comment ça se passe? Comme vous venez d'arriver, la première chose à faire, c'est déjà de vous poser la question sur la répartition en fait des temps, c'est-à-dire à qui est-ce qu'en termes de l'équipage, en fait, en termes d'équipage, à qui est-ce que tu donnes quartier libre? Qui est-ce que tu fous à la maintenance? Qui est-ce que tu nommes sur la protection du vaisseau? Parce qu'on laisse jamais le vaisseau tout seul. Et s'il y a Oui. d'autres éléments, s'il y a d'autres choses que tu as envie de donner comme directive. Donc là, tu peux répartir tes gens, tu as largement le temps. Surtout si tu as 3 jours, tu peux dire, tiens, cette première personne-là, vous avez 24 heures de perm, vous revenez dans 24 heures, vous vous changerez, etc. Donc tu peux t'amuser comme tu veux. Ce que vous avez Moi, ouais. défini, vous avez l'atmo pour transporter quasiment la quasi-totalité. Il y en a 6, donc il faudra faire 2 voyages des conteneurs au niveau des zones d'entrepôt pour le déstockage en fait tout simplement. Donc faire déjà cette manœuvre-là, ou vous le faites vous-même, ou vous demandez à des matelots de le faire pour vous. Vous avez de toute façon, vous êtes passé, il suffit de demander un espace dans un entrepôt de stockage pour pouvoir déloter tranquillement, enfin pour pouvoir, pardon, livrer. Donc ça fera quelques crédits de plus, hein. Tout se paye, tout s'achète. Une fois que c'est fait, vous avez votre passe pendant 2-3 jours réservé, vous pouvez mettre vos conteneurs là. Comme ça, c'est fini, vous les stockez tous là. Et quand vous les vendez, la personne, elle viendra, elle s'occupera de les chercher. Ou, si vous voulez, pour quelques crédits de plus, vous pouvez faire la livraison. Ça, c'est juste une question d'intérêt commercial. Et après, il faut que vous alliez trouver, effectivement, la tête dure avec le fameux Denis Strong. Ouais. Bon, bah, Ok, je vais m'adresser au bah à capitaine. moins que... Quoi? Qu'est-ce qu'on fait, capitaine, alors? Dites-nous tout. Bah déjà, bah, ça va dépendre. si Harold a envie de s'amuser avec l'atmo, il peut décharger pour mettre ça dans un entrepôt. Si on va demander ça des matelots. Hein. Ouais, moi, question, pendant ce temps, je vais répartir. Je vais répartir en fin de compte. Je pense que, à part par rapport à ceux qui ont eu des permes la dernière fois et ainsi de suite, prioriser ceux qui ont eu des permes en fin de compte il y a le plus longtemps et ainsi de suite. Hein. Donc faire un roulement pour que chacun puisse avoir une perme. Hein. Ok. Moi j'ai une question, capitaine. Pourquoi on doit louer un emplacement pour entreposer nos marchandises alors qu'on pourrait juste les laisser dans le vaisseau et les décharger dès qu'on les a vendues pour aller les livrer? T'es sur un satellite. Mmh. Et ça peut vite être le bordel si tout le monde fait les trucs au dernier moment. C'est une possibilité. Alors ça reste une possibilité, hein, c'est un truc qui est possible. Mmh. Mais ça risque de vite être le bordel parce que tu prends de l'espace aérien. En sachant qu'il y a d'autres vaisseaux aussi qui font des transferts de marchandises. En fait, ça peut vite être dangereux. Mmh. C'est plus simple quand t'as tes trucs et que tu veux les vendre, que tu le sais, etc. Tu les sors, tu les poses et tu t'emmerdes même plus avec ça. Et même généralement, où tu fais la livraison par des sociétés qui font de la livraison, où l'acheteur il vient récupérer lui-même. Quoi. Toi, t'as pas à t'embêter et tu vends tes trucs et c'est terminé. Quoi. Sauf si tu veux récupérer tes conteneurs ou pas. Mais généralement, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des roulements de conteneurs parce que c'est juste un... Alors, il y a des gens chez l'OCG qui bossent sur la traçabilité des conteneurs, mais autant te dire qu'à l'échelle de la galaxie, c'est vraiment un bordel sans nom. Mmh. D'accord. Sinon, je les décharge, hein. Moi, ça va m'amuser. Ça va me faire passer le temps. Bah, go. Donc, vous louez un espace de stockage dans un entrepôt. Et alors, la location, c'est simple, c'est 100 crédits, un espace au sol, donc à la fois en mètres cubes qui correspond, c'est 100 crédits, ça correspond à peu près 3 unités cargo. 3 unités cargo. Donc, comme vous en avez 6, vous en avez 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous en avez 11. C'est ça. On a 11, voilà. Donc, ok, d'accord. Ça en fait 4 à récupérer. Voilà. C'est ça, donc vous en louez 4, donc ça vous coûte 400 crédits, juste pour la location de l'espace. Je vais gérer ça, belette, pendant que je fais les cartes. Ça marche, je vais m'occuper de ça. Voilà, et après, ça va te prendre la demi-journée, Harold, pour les déplacer. Parce que c'est pas forcément tout à côté, t'as tout un tas de protocoles d'attente, pour on passe pas les uns devant les autres, etc., d'annonces, etc. Donc ça te prend une demi-journée. Ça vous prend la demi-journée pour faire cette manœuvre-là et arriver. Attribuer les gens, etc. Donc une fois que vous avez fait vos répartitions, vous êtes arrivé, c'était le matin. Mmh. C'est commencé à avoir grand faim. Et soif. Bon, on va... Hey oh. On va aller à une cantina. Ouais. Bah ouais, hein. On va aller manger un morceau et puis ensuite on ira voir ce Denis. Bah oui. Bah écoute, sur le satellite, il y a effectivement nombre de restaurants, de bars, d'équivalents, une sorte de brasserie spatiale. Il y a tout un tas de choses qui sont accessibles à plein de prix différents. Tu vas avoir... Alors la chose que tu vas rencontrer le moins, c'est quand même les restaurants plutôt de haut luxe. Il va y avoir un restaurant un peu de luxe. Ouais. Parce qu'il y a quand même du monde qui passe par Exa 01, donc ça fait quand même de la clientèle. Mais on va plus les trouver directement sur Exalia pour en avoir. Donc tu as un joli restaurant avec des menus à 250, 300, 400, 500 crédits. C'est excessivement cher. Généralement, avec une dizaine de crédits, vous arrivez à bouffer. Donc voilà. Voilà. J'avais une question vite fait. Est-ce que proche de là où on doit aller pour négocier la vente, est-ce que proche de cet endroit-là, il y a une cantina, enfin un truc pour bouffer? Alors vous ne savez pas où est-ce que vous devez aller. C'est dans la halle, c'est dans la plus grande halle marchande. D'Exa 01, il y en a plusieurs, donc il y a des gros espaces de vente. Donc il y en a une qui est très très servie, son numéroté, donc c'est la numéro 1. la toute première halle marchande, la plus grande. C'est là que se situe apparemment la Tédure. Il faut aller voir. Pour l'instant, vous n'y avez pas mis les pieds. Très certainement que, comme dans tout ça, vous allez retrouver du snacking, des choses comme ça, puisqu'il y a énormément de travailleurs. Et il faut que ces gens la mangent. Il faut que ces gens la mangent vite pour retourner encore plus vite travailler. D'accord, du coup, capitaine, je propose quelque chose. Si on allait bouffer et boire un coup dans le secteur de là où on doit les vendre, comme ça, peut-être on pourrait, je sais pas moi, faire un petit peu, trouver des informations sur cet acheteur et peut-être s'en servir pour négocier au mieux. Ça peut être intéressant, non? Ouais, bon, j'avais pensé quand même à. Parce qu'on se pose un peu là, on a quand même fait un long voyage, donc ouais, mais s'offrir, on se pose en mangeant et en buvant, on peut se renseigner, ça. On peut faire les deux en même temps. Après, ce sera peut-être pas aussi bien que ce qu'on peut trouver ici comme comme resto, ouais. Voilà. Ouais. Okay, sans aller dans un truc de luxe, hein, mais voilà, c'est une petite brasserie sympa. Après, on peut toujours le faire après avoir fait la vente pour fêter. Ok, bah c'est vous le capitaine, de toute façon. Moi, je posais qu'une question. Hein. Bon, bah je comprends que ton impatience prend compte de régler cette vente. Et bah du coup, allons directement dans le quartier et puis on trouvera de quoi manger et puis peut-être aller s'étreindre nos oreilles. Ok, capitaine. Allez, en route. Ah bah écoutez, vous vous retrouvez assez simplement après une vingtaine de minutes de marche, bonne 20 minutes. Donc vous quittez l'espace de tout ce qui est la station d'arrivage, donc l'astroport, et vous déambulez dans différentes zones plus ou moins ouvertes avec d'énormes dômes donnant vers l'espace infini et juste à côté Exalia. Une énorme planète verte vue de l'extérieur, puisqu'elle est complètement recouverte par pas mal donc d'archipels, et surtout elle est toujours en fait sujette aux pluies. Donc vous avez d'énormes masses nuageuses vert gris qui se déplacent. Donc vous, au-dessus de vos têtes, vous voyez Exalia, parce que vous êtes sur Exa 01, donc c'est un des satellites, hein, je vous le rappelle, vous n'êtes pas directement sur la planète. Vous voyez un peu plus loin, peut-être par moment, une autre petite lune. C'est Exa 00, qui est la gigantesque station orbitale. Hein. Et celle-ci, par contre, elle sert d'astroport uniquement pour les vaisseaux de plus de 10 000 tonnes. Donc autant vous dire, une catégorie au-dessus du vôtre, même si vous avez déjà une belle bait. Ma foi, peut-être qu'en marchant ou quand vous allez arriver, vous aurez l'occasion de voir un autre astroport tout neuf, donc Exa 02, qui lui est l'installation spéciale Grand Luxe. Et c'est sur ce satellite-là, cet astroport-là, qu'on va trouver notamment une halle marchande qui est spécialement dédiée à tout, en tout cas un large éventail de vaisseaux spatiaux. Donc si vous avez plusieurs centaines de milliers de crédits à disposition, vous pouvez devenir les fiers acquéreurs d'un Solaria 400. Vous... Un jour on ira là-bas, hein, et on achètera notre vaisseau. Voilà, en attendant, vous êtes dans une immense halle marchande. Donc vous avez surtout d'énormes entrepôts qui ont été plus ou moins décorés, ou en tout cas sérigraphiés, certains avec de grands graffitis, des néons lumineux, etc., afin de présenter les différents produits qu'ils vendent. Vous retrouvez bien placé effectivement le bar le plus connu d'Exa 01, enfin le plus connu surtout des vauriens et des criminels, donc vous le connaissez forcément, le Triple Twister, le fameux, vous y avez déjà mis les pieds, exact. Oui. Donc il est très connu pour ses stripteaseuses et ses stripteaseurs mutants, et effectivement vous voyez à l'entrée un gros néon un féminin avec des seins qui se mettent à clignoter les uns après les autres, et bien évidemment, comme son nom l'indique, il y en a trois. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Donc vous avez une horde farouche de vauriens à l'entrée. Vous voyez des contrebandiers, d'honnêtes marchands des quatre coins de la galaxie qui aussi sont en affaire sur Exa 01, qui entrent et qui sortent de là comme dans toutes les espaces de restauration rapide. Donc vous avez l'équivalent un peu de snacking et de fast food à la mode locale, et même avec certaines modes un petit peu extra galactiques, avec un snacking qui se veut à la mode havanaise, avec des espèces de fruits aux couleurs complètement improbables, quelques alcools étranges aussi, des brochettes de sortes de reptiles, tout un tas de choses. Vous avez un autre snacking, c'est le rendez-vous du soldat, avec quelque chose qui est très strict, donc ça ressemble à des espèces de club sandwich à la mode Empire Galactique. Voilà, vous avez tout un tas de trucs pour exactement pour essayer de satisfaire et d'amadouer tout type de clientèle, pour découvrir les attraits culinaires de toutes les nations stellaires. Donc voilà, et d'autres petites peuplades. Donc vous avez plein de trucs, et vous retrouvez effectivement, impossible de la manquer, un énorme R qui forme une espèce de tête stylisée, et il y a écrit la tête du apostrophe R. Donc vous êtes face à un ensemble d'entrepôts complètement gigantesque, qui est un complexe de 3 entrepôts marchands. De l'extérieur, vous ne savez pas du tout à la grandeur ou la superficie de ces entrepôts, puisque vous avez l'accès par un en fait, et vous voyez qu'il y a un rassemblement. Mais ça doit très certainement représenter bien plus de superficie que tout ce qu'il y a autour. Et ça a l'air relativement luxueux, puisque vous avez à l'entrée de la porte principale de grandes affiches qui représentent le propriétaire des lieux, un certain Denis Strong, avec en sous-titre, il y a noté membre et émérite et trésorier de la MGIF 01, c'est-à-dire l'association des marchands galactiques indépendants fiables d'Exa 01. Évidemment. Bien évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'il vend ? Le luxe. Bijoux, vêtements, véhicules personnels et séjours de luxe sur Palace. Ici, si vous avez les moyens, nous pouvons réaliser vos rêves. C'est ce que vous pouvez voir qui s'affiche en 3D à l'entrée de son entrepôt. Ok. Donc voilà ce bel homme. Classe. Bon, on va déjà aller manger un truc, là, dans un food truck... Alors, on va pas aller au truc militaire là, parce que là j'imagine ils ont des sandwichs triangles, mais tu sais, les trucs en fait, hein, c'est faire la règle. Militaire. Ouais, tu vois, il y a vraiment un de 90, et si c'est pas, ils le jettent. Ils vérifient après... avec une équerre. Après, je te fais. J'ai déjà trop bouffé de ce genre de choses par le passé. Non, mais on va aller au truc havané, c'est pas mal là. Le truc de la Havane. Ouais. C'est... Le soleil d'or. C'est mal. Bah voilà, ça m'inspire, le soleil d'or. Et promis, Nev, Harold, on ira au Triple Twister tout à l'heure. Ah, je sens que vous avez envie. Oui, ça. Ah ouais, c'est quelque chose à voir sur Exa 01. Ah, qui sait, on verra peut-être des connaissances. Ah, bah peut-être. Écoutez, vous êtes accueillis par un espèce de grand gaillard à la pommade et au grand dreadlocks qui est derrière son comptoir avec... plusieurs poêles à frire, il fait revenir tout un tas d'aliments. Ça sent effectivement bon le sable chaud. Il y a un espèce de poste derrière qui envoie une musique douce et qui vous rappelle peut-être des souvenirs de lointain, de Havana. J'ai l'impression d'être à la maison. Hein. on va prendre trois spécialités, hein. Voilà. Hein. C'est ça. Enfin, quatre spécialités. De rhum. Surtout, j'ai soif. On boira après. D'abord le travail. Mais et Captain ensuite. D'abord le travail. Ok, ok. Voilà. Je te connais, Belette. Quand tu commences, c'est plus t'arrêter. C'est pas faux. En plus, t'emmènes Neve dans tes. Voilà. Il hein. Faut bien la former un petit peu, la pauvre. Elle a jamais connu ce que c'était vraiment que boire un coup. Ouais. Ah mais bon, respecte son foie. Ouais. Elle est pirate, ouais. Écoutez, vous avez le choix entre... alors, il y a l'indémodable brochette à la Stella Belle. Donc, c'est des espèces de picarios de viande très épicées. Parce qu'il faut être un vrai costaud pour pouvoir manger ça. Un pirates. Accompagné, bien sûr... de ces petits légumes sautés et de ces fruits du soleil. Ensuite, vous avez la salade mutante, donc avec tout un tas, avec plusieurs crustacés et aussi des tentacules, des tentacules qui sont spécialement préparés. Ce sont des parasites interstellaires. Donc ça fait partie des choses qu'on peut récolter et trouver, notamment dans les astroports. On en a fait une spécialité. Il y a bien évidemment le repas de l'employé. Donc c'est une espèce d'assiette assez sobre, mais qui remplit bien. C'est le repas habituel des gens de l'OCG quand ils doivent aller vite. Et accompagné de ça, vous avez effectivement 2-3 autres plats emblématiques avec quelques noms plutôt étranges qui évoquent plus ou moins Havana. Ou en tout cas dans l'ambiance pirate. Et derrière lui, il y a quelques bouteilles de rhum. Cependant, vos yeux bien affûtés, surtout ceux de Belette, remarquent que même s'il y a écrit authentique rhum havané sur toutes les bouteilles, il y en a une seule qui semble avoir la couleur et l'appétence nécessaire, en tout cas la liquorosité nécessaire pour être du vrai rhum d'Havana, si c'en est, mais peut-être que c'est une très bonne contrefaçon quand même. Baisse ton doigt, Belette. Double boulot. Ah, on va prendre 4 belles trucs là, et voilà. Quoi, parce que tu choisis je pour nous, capitaine. Une salade, moi. Oui, je n'ai pas le droit de choisir ma salade. Oh. Attends, tu es notre capitaine, et certes, pire, mais on peut choisir ce qu'on veut manger. Je suis pas pirate, moi, je suis pilote. Ouais, maintenant, tu l'es. Salade. Chut. Pas le dire ici. Bon. Du coup, moi je vais prendre le truc Bella et quelque chose là, et puis une salade. Le Bella, c'est quoi? C'est le premier, c'est celui qui est un peu haut. C'est la brochette. Ouais, je vais prendre ça aussi. Ah, voilà. Ah, mais tu me connais bien, ça fait des années qu'on bourlingue, alors bon... C'est pour ça que je faisais pour toi, je sais déjà ce que tu veux. Bah ouais, mais bon... On gagne du temps. Bah écoutez, vous mangez pour une cinquantaine de crédits, même moins que ça, pour entre 25 et 50 crédits en fonction de ce que vous choisissez. Vous avez à la fois plat, vous pouvez prendre un petit dessert sucré, une petite boisson en fin de repas. Voilà, si vous voulez même... prendre du rhum, vous pouvez y aller, vous aurez le digestif offert, bien trop évidemment. Sympa. Oui. Et vous avez le choix donc de consommer sur place, au comptoir ou à emporter. Pour les plus pressés, pour les plus occupés, les plus busy des salariés ou des employés de l'OCG, ceux qui ont vraiment à cœur de travailler plus pour gagner plus, mais visiblement vous n'êtes pas de ceux-là. Non. Donc, messieurs, voilà, messieurs, madame, vous mangez sur place, hein, voilà. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Écoutez, c'est très bon, et vous pouvez échanger quelques mots, faire connaissance avec Rodrigue, le tenancier de ce stand. Ouais, moi je vais discuter un peu avec lui, et puis voir s'il a des infos hein, sur Danny Strong. Alors, qu'est-ce qu'il sait sur le marchand Tony Strong? Alors, ce qu'il sait, c'est que c'est quelqu'un, visiblement, qui a fait de bonnes affaires. Il n'y a qu'à voir l'étendue de ses entrepôts. Ah bah ça... Donc, il va te repréciser, il va bien te valider qu'en fait, c'est un complexe de 3 entrepôts marchands. D'ailleurs, à l'arrière d'un de ces entrepôts, il y a un parking et une piste pour les véhicules aériens. Donc, pour ceux qui se déplacent sur la station ou même... ceux qui souhaitent venir par véhicule de basse orbite depuis Exalia. Il est rentré à l'intérieur une fois pour regarder un petit peu, et c'est des produits qui coûtent cher, mon ami. Que des produits très très beaux, très très très beaux. Des bijoux, des vêtements, il y a même des limousines et des bateaux à l'intérieur. On est là pour vendre, pas pour acheter. Et après, qu'est-ce qu'il peut te dire sur lui? Donc ça semble être un homme d'affaires très occupé. Si. Il te dit que tu ne pourras pas louper son épouse. De toute façon, qui le pourrait? Ok. Je comprends mieux, Tench. Et ah si, et si tu le si vous cherchez à faire des affaires à le rencontrer, il sait qu'il y a un espace comme une salle d'attente, qui est un truc en hauteur, une espèce de mezzanine antigrave qui flotte comme ça au-dessus des entrepôts pour se balader, etc. Donc ouais. C'est là-dedans qu'on fait les affaires, quoi. Genre, je vais taper du coude sur Bart. Comment ça, du coude sur moi? Mais non, mais je te fais un petit coup de coude comme ça pour prendre l'attention. Ah. Je te mets pas un shoot dans ta tronche. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut lui demander pour où est-ce qu'on pourrait vendre au meilleur prix notre minerai, s'il sait. Bah, on pourra toujours. On sait jamais, puisqu'il a des noms, il a des trucs. Je sais pas, moi. Et... Du coup, j'imagine que le Strong là est. Lâchez pas trop du minerai non raffiné. Pas trop sa camelote, ça. Bah, moi, je sais pas, je fais pas des commerces. Mais. Je n'ai pas vu de cailloux chez lui. Et si éventuellement vous auriez du minerai non raffiné à vendre, vous iriez chez qui? Alors il réfléchit, il regarde un petit peu dans l'allée, à droite, à gauche. Et puis il te montre une direction à l'autre bout de l'allée. Il fait allez par là-bas, je crois qu'il y a plus de matériaux bruts. Peut-être que vous trouverez justement des gens qui pourront vous acheter vos minerais. Ok, ça marche. Ah, merci bien, mon brave. Rodrigue, à votre service. N'oubliez pas, il te tend une petite carte. Parlez de moi à vos amis surtout. Ah, carte de fidélité, cool. Il y aura des gens de mon équipage de venir ici s'ils veulent bien manger. 5 plats achetés, un plat offert, ça. Pour vous, oui, bien sûr. Ah, mais c'est bien. Après ça, on en a acheté 4, donc. Il s'avance pas trop. Après, capitaine, pour les minerais, il vaudrait mieux peut-être essayer de trouver un raffineur directement. Quelqu'un qui souhaiterait, qui est dans le commerce du fuel et de l'essence en soi, du kérosène. Enfin, c'est-à-dire qu'on paye le raffinage et qu'on nous vende. On nous a appris que ces minerais étaient utilisés pour en faire. Un liquide, ça Un carburant, voilà. Merci, je cherchais le mot. Un carburant, donc autant essayer de le vendre directement aux personnes que ça intéresse plutôt que le revendre à un revendeur, etc. Sinon, ils vont pas nous le racheter au même prix que le raffineur. Non, mais oui. Je pense qu'on ira voir dans l'allée. Il y a peut-être qu'il faut. S'ils ont vu des matériaux bruts, on trouvera sûrement un acheteur pour ça. Mais bon. D'abord, ce qu'on nous a demandé, allons voir ce Strong. Et surtout sa femme, a priori. Attention, capitaine. Commencez à avoir des emmerdes. Quoi? Ouais, tu me connais, c'est pas mon genre. Ah ouais? C'est pas mon genre de m'attirer des emmerdes avec les femmes. Ouais, mais avec leur mari, peut-être que oui. Voilà, les emmerdes, tu les as pas avec les femmes, généralement, capitaine. Je ne vais pas répondre, je vais tirer la fumée dans mon cigare, en fait. Pas de quoi vous parler. Ce n'est que des affabulations. Ouais. C'est pas toi qui as dû t'occuper des maris qui venaient pour te voir. Bah oui. Bah, tu leur as dit que j'étais pas là, c'est ce qui compte. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va aller vers la société là, de la tête du R. Très bien. Ah bah écoutez, vous passer sous l'énorme porte métallique avec ces magnifiques banderoles, ces belles affiches holographiques qui présentent le fameux Denis Strong sur sa posture, sa plus belle prestance. Et vous arrivez en effet dans quelque chose de complètement gigantesque. Alors c'est sûr et certain qu'il y a bien plus d'un hectare. Donc vous êtes au moins à 2000 m² de superficie. C'est gigantesque. Hein. Et tout ça s'étend comme ça a été mis. Donc il y a trois grandes zones. Il y a une zone Donc effectivement, bijoux, objets précieux, vêtements, maroquinerie et tissus, tout dans du grand luxe. Il y a une zone dédiée aux véhicules personnels, donc vous allez retrouver des voitures, c'est-à-dire des limousines, des grosses voitures de sport, tout ce genre, tout ce qu'il faut pour qu'un cadre de l'OCG puisse sentir le frisson de la vitesse. Mais aussi la même chose sur l'eau, puisque je vous rappelle qu'Exalia, quand même, grandement constitué d'eau, hein, c'est un ensemble d'archipels. Donc vous avez, en termes de bateaux, des voiliers, des bateaux de course, mais aussi des yachts, bien évidemment. Et enfin, puisque le frisson de la vitesse ne se joue pas que sur terre et sur mer, mais aussi dans les airs, vous avez des véhicules aériens rapides ou ultra rapides, donc c'est souvent, principalement, des modèles d'hélicoptères. Voilà. Donc, autant vous dire que ça coûte pépette. Et vous avez une troisième zone, plus petite, bien évidemment, qui, elle, est dédiée aux prestations, évidemment, de séjours de luxe sur mesure, principalement, voire uniquement, se déroulant sur Pallas. D'accord. Qui est une autre planète du système, de l'OCG, mais sur un autre système, sur le système Pallas, qui, comme son nom l'indique, est plutôt luxueuse. Voilà, et puis rien de plus, si ce n'est que à l'arrière, effectivement, il y a un parking, une piste d'atterrissage pour un héliport, pour véhicules aériens. Mm-hmm. Et vous voyez flotter au-dessus, hein, parce qu'il y a une hauteur sous plafond qui est improbable, hein. Vous voyez flotter dans les airs une mezzanine antigrave, donc tout simplement qui fait office de bureau et d'espace détente. Vous avez tout un tas de personnel. Donc aux couleurs de l'OCG et avec des vêtements aussi sérigraphiés, la tête du R, Denis Strong, etc., qui déambule pour demander aux personnes qui sont en visite ou en recherche de produits si elles ont besoin de conseillers, de conseillères, pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves et l'acquisition de biens d'exception. Et c'est à ce titre que vous avez une petite dame qui s'approche de vous, bien apprêtée. Bonjour, avec un grand sourire, bien évidemment, le sourire Colgate, non pas pirate, mais sourire Colgate du vendeur, de la vendeuse OCG. Bonjour, cher client. Enfin, cher rêveur et rêveuse, que puis-je faire pour assouvir à vos besoins de grandeur, de luxe et d'exception au sein de la tête du R? Je vais la regarder, j'ai bien une petite idée en tête, mais bon, d'abord, j'ai un job à faire. J'ai des marchandises à vendre. Elle garde son grand sourire. Mais quel genre de marchandises avez-vous à vendre? Êtes-vous un partenaire commun à notre belle entreprise? On représente la société, la compagnie Le Voyant Vert. Ah, le Voyant Vert. Écoutez, si vous êtes déjà en affaires, je vous prie de m'accorder quelques instants. Je vous en prie, prenez connaissance de tous les merveilleux articles que nous vendons. D'ailleurs, regardez, elle vous dirige un petit peu tranquillement en direction de la zone où il y a tout un tas de vêtements pour vous amener devant divers parures, effectivement, plus belles et surtout plus chères les unes que les autres. Je vous laisse patienter quelques minutes. Je vais, de mon côté, prévenir les agents commerciaux de votre venue. Veuillez m'excuser. Puis-je faire mener à votre attention quelques verres afin d'étancher votre soif? Bien sûr. Nous avons grand soif. Oui, tout à fait. Tu vois qu'elle dégaine, hop, un pad qu'elle avait et commence à taper dessus avec un stylet. Elle commence à prendre des notes aussi. Et puis elle s'éloigne. En demandant une oreillette, effectivement, elle commence à converser pour expliquer qu'il y a des agents commerciaux, des partenaires commerciaux, des distributeurs, des fournisseurs qui sont là donc pour revendre effectivement du matériel. Donc vous allez avoir une autre personne qui viendra à peu près, 3-4 minutes après, pendant que vous êtes en train de regarder les vêtements, avec un plateau. Donc un plateau, bien évidemment, en or, avec quelques pierreries, tout est grand luxe. Et vous allez avoir 4 verres, 4 très jolis verres bien ouvragés, avec à l'intérieur ce qui fait office, qui ressemble à une sorte de limonade maison, assez bonne et très désaltérante. Ok. Nickel. C'est quoi cette merde? C'est gratuit. Ouais, enfin, ça se boit pas, ça. C'est pour les enfants, ça. Oui, bah, c'est gratuit. Donc, te plains pas. Ouais. Je suis malade. Après le plaisir. Bah écoutez, après quelques minutes, vous voyez, vous entendez effectivement flotter, se rapprocher au-dessus de vous l'immense mezzanine antigrave. Et elle va descendre un petit peu. Et vous avez un escalier. Un escalier qui va se déployer afin de vous permettre de monter. On va monter. Bien écoutez, la première chose que vous voyez, c'est un espace. Donc la mezzanine fait à peu près 100 mètres carrés. Donc c'est quand même assez imposant. Ah ouais, ouais, c'est de la belle mezzanine. Ça arrive pas. C'est un gros espace flottant. Donc vous avez au moins la moitié, les trois quarts du lieu, donc à peu près entre 60 et 70 mètres carrés, qui sont réservés à une sorte de grand jardin ouvert. Alors c'est la reproduction d'un jardin, avec plusieurs espaces bains, un espace détente, patient. Alors à certains endroits, il y a des tables aussi, certainement pour faire un peu de négociation. Sur cet espace ensemble, vous avez quelques bars et une petite cuisine qui propose visiblement à certains clients qui sont avec un agent commercial en train de négocier, il y a des petits tapas qui leur sont amenés, ainsi que quelques verres. Et là, l'œil fin de Belette remarque quelques bouteilles d'alcool sur... derrière les bars. Ça, c'est bien. Et ça. Le, voilà, le reste de la mezzanine. Donc, je comprends mieux pourquoi t'es au censeur hein, dans le vaisseau. Là, mes censeurs pour une bouteille. Non, mais je ne cherche pas des bouteilles. Je ne cherche pas des bouteilles de rhum dans l'espace, sinon tu les trouverais toutes. Ah, bah ouais. Et le reste est composé de bureaux. Donc, plus ou moins fermés avec des vitres à verre opacifiant. Donc il y en a qui sont, on voit derrière, et les autres c'est opaque, mais parfois vous voyez le verre en fait qui devient translucide avec après des gens qui en sortent, donc très certainement pour des échanges commerciaux, mais surtout, ceux qui se trouvent au centre du jardin ne laissent pas les personnes mâles hétérosexuelles indifférentes, puisque vous avez une jeune femme, vraiment jeune et très sensuelle, habillée avec une robe argentée qui lui colle à la peau, dans une tenue dernier luxe, excessivement provocatrice. Et effectivement, peut-être que tu peux comprendre la mitench. Il n'y a pas beaucoup de vêtements dessus. Non. Je dis capitaine, attention. Quoi ? On n'est pas là pour j'ai ça. Rien fait. Je tiens à vous le dire. Non, mais je préfère le dire. Non, avant. Le boulot d'abord. Le boulot d'abord. Le boulot, uniquement le boulot. Voilà. Ah. Le boulot d'abord. Et donc, vous avez un homme d'une trentaine d'années, entre 30-35 ans, qui s'approche de vous, pareil, habillé avec un costume légèrement différent de celui de la personne qui était au niveau du sol. Donc, plutôt un tailleur, un costume pendant trois pièces, qui s'approche de vous. Messieurs, vous êtes des représentants du Voyant Vert, c'est ça ? C'est bien ça. Bien. Puis-je savoir pour quelle raison est-ce que vous êtes ici ? Alors, on a des petites choses à vendre. 5 unités de bijoux, 2 unités de tissu et 3 unités de décoration antique. Bien. Je vais vous demander de me suivre dans l'espace détente. Quant à Monsieur Strong, qui tient à vous recevoir personnellement, il va falloir patienter. Il est actuellement en rendez-vous. Mais cela ne devrait pas durer plus d'une vingtaine de minutes. Si vous souhaitez rester sur la mezzanine, bien sûr, je vous ferai amener quelques amuse-bouches et de quoi sustenter votre soif. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez passer ce temps à l'espace inférieur et découvrir la variété de tous les produits dont nous disposons. Si c'est ce que vous souhaitez faire, je vous laisserai moi-même un boîtier afin de pouvoir vous retrouver très rapidement dès que Monsieur Strong aura terminé son rendez-vous. Oh, mais on va l'attendre. Ouais, c'est pas contre un petit verre de rhum, si ça vous dérange pas. J'ai eu vent qu'on était toujours très bien servi par ici, donc je pense que j'ai hâte de voir écoutez, ça. Il se dirige vers l'un des bars, il vous invite à le suivre, et il vous laisse en compagnie du barman. Je vous en prie, messieurs, vous pouvez commander le verre qui vous fait plaisir, et si vous avez faim, n'hésitez pas à demander à notre chef cuisinier. Quant à moi, je reste à votre disposition à l'entrée du salon. Et puis, merci bien. Voilà, il vous indique quelques zones en fait, où vous pouvez vous installer tranquillement, et il s'en va. Bah, Belette, je vais choisir le rhum, hein. Toi l'expert. Bonjour, mon bon monsieur. J'aimerais goûter ce que vous avez de mieux en Rome. On m'a dit que vous étiez les meilleurs pour l'hospitalité. T'as à peu près tout ce que tu veux, hein. Quasiment tout ce que tu veux. Donc si tu veux du vrai rhum havané, là il y en a. Donc c'est un mutant à la peau violette écailleuse et aux yeux de serpent qui est devant vous, avec une dentition bien crochue, qui va vous servir et vous faire vos cocktails ou vos boissons à vos choix. Eh ben, un bon rhum, il n'y a que ça de vrai. Pareil. Allez. All good. Nev, Harold, vous buvez. Rien. J'ai pas envie d'avoir l'esprit embrumé. Surtout pas maintenant. Ouais, un petit cocktail, c'est pas le un jus de fruits, ça m'ira très très bien. Ça sera parfait. Jus de goyave. Un jus de papaye. Vous prenez tout ce que vous voulez. Et au moment où vos verres sont servis, vous entendez... Vous voyez une silhouette gracile d'une voix douce qui demande au barman un cocktail Bennett. Et celui-ci s'exécute très rapidement, même plus rapidement que pour vous. Et il va déposer un cocktail devant cette jeune demoiselle qu'il appellera Madame Strong. Tenez, Madame Strong, à votre service. Capitaine. Le boulot, capitaine. Madame Strong fait... Fais un sourire, hein, en levant mon verre. Bah, elle s'approche. Avec son cocktail à la main. Oh. Hey, j'y peux rien. Le charme. Dans ma tête, ça commence à tourner. Genre, putain, merde. Capitaine. Mais, comme c'est intéressant, elle s'approche suffisamment proche de toi. On me le dit souvent. Pour que tu puisses sentir son souffle sur ta poitrine. Mais d'où est-ce que vous venez avec votre équipage hardi? Ah bah, un petit peu partout, de ci, de là, voilà, là en ce moment on est plutôt dans le territoire de l'OCG, ces derniers temps. Et où est-ce que vos voyages vous ont-ils mené? Dans des coins, j'imagine, très... dangereux de la galaxie. Dangereux, mais également magnifique. Des choses, en fait... je lève la tête, un peu rêveur, où tant de beauté que recèle l'espace, même si, finalement, des fois, il ne faut pas aller bien loin pour voir des choses encore plus belles. Capitaine, vous avez oublié de prendre vos... Oui, Harold. Des champignons. Tenez. Votre traitement contre les champignons, là. Faut pas que vous l'oubliez, le médecin l'a dit. Hein. C'est très important. Oh, fusillé du regard. Dans ma tête, j'ai bien joué. Vous l'avez oublié au vaisseau, vous voulez que j'aille vous le chercher peut-être? Pour vos mycoses. On a du boulot, hein. Que, on est là pour voir Monsieur Strong, on a des choses à lui vendre. Tu vois qu'elle se décale pour être un petit peu entre vous tous. Le vaisseau, mais quel type de vaisseau avez-vous? Cela m'a l'air très intéressant, tu vois qu'elle se rapproche de toi, Harold. Elle se pose à côté de toi, elle te regarde. Oh là là. Moi, je ne lui connais pas très bien en vaisseau. Enfin, mais là, c'est un vaisseau d'emprunt qu'on a. C'est pas... Voilà. Pour le moment. On balance tout aussi. Enfin, c'est notre vaisseau, oui, mais voilà. Enfin... Comment dire? C'est un vaisseau un peu customisé, très sympathique, très cosy. Un Solaria 400. Oui. Un Solaria 400. Peut-être. Ouais, oui. Il est nouveau dans l'équipe, c'est pour ça, il sait pas trop ce qu'il raconte. Ah, un petit nouveau. Ouais, j'aime bien faire travailler la jeunesse. Oui, la jeunesse et son insouciance, mais aussi sa fougue. Oui, sa fougue, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que très très fougueux, on me le dit souvent. Très souvent, très très souvent. Sauf que c'est vrai, et Que faites-vous au sein de ce Solaria 400? Trois fois rien, enfin, c'est pas grand-chose. J'aide au niveau du pilotage. Enfin, il voilà. Essaye de piloter quand il y arrive. C'est le meilleur pilote que j'ai jamais connu. Oula, vous n'avez pas connu beaucoup, capitaine. Quand il n'est pas bourré. Oui, bah justement, j'ai pris ça là. C'est... Ouais, maintenant il carbure au jus de papaye, c'est plus sûr. Non, là c'est de la mangue. Ah, c'est la mangue. Vous qui semblez connaître tous les autres, que faites-vous? Tu vois qu'elle se rapproche un petit peu de toi, Belette. Moi, je suis là pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Un petit peu celui qui peut gérer les soucis et puis un peu ranger le matos qu'il y a dans le vaisseau. Celui qui gère les soucis, vous voulez dire que vous êtes celui qui a le plus gros calibre? Eh bien, je dois dire que j'aime bien être bien équipé, effectivement. Eh bien, tout ça est très excitant. Ouais, on peut dire ça. Ah, peut-être voudriez-vous me raconter vos dernières aventures. Qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter comme aventure, hein, capitaine? La fois où on avait récupéré un truc, là, sur une planète. Ouais. Et qu'il y a une bestiole qui en est sortie dans la soute. Oh mon dieu. Ouais, il y a celle-là, ouais, c'est vrai. Cela a l'air tout à fait effrayant. J'en tressaute. Mais accompagnez-moi, afin de me conter cette folle épopée. Écoutez, je pense que... Là, on faut qu'on attende... Monsieur Strong, on n'a pas trop le temps, mais une autre fois peut-être. Oh, mais ne vous inquiétez pas, nous resterons ici. Regardez, je vous proposais juste de vous joindre à ma table. Oui, elle est allons. Où, table juste là, non? Bah, ouais, vous faites quelque part, y a plein de tables libres. Elle en prend une, elle s'installe en plein milieu. Moi, je reste au bas. J'ai ce belette mener la barque. Ouais, je me dis, il vaut mieux que ce soit moi qui y aille, parce que de toute façon, je suis pas là pour foutre le bordel, et puis moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais moi non plus. Donc ouais, je vais y aller, pour histoire de pas offenser notre hôte, finalement, parce que ça reste quand même la femme du patron, donc pour pas la froisser, mais voilà, c'est quelque chose, j'aurai beaucoup de distance malgré tout. Ok. Tu vas faire... Alors, est-ce que ton personnage, il est hétérosexuel, homosexuel, il est switch, il est de tous les bords? Il profite de tous les plaisirs de la vie? Non, on va dire que je suis plutôt classique. Voilà, okay. On va dire voilà, hétérosexuel. Tu vas faire un test de détermination. Oh putain, mais... fallait laisser faire les spécialistes, hein. Bon, bah... C'est difficile. T'es déterminé. Attends, tu crois que j'arrive pas à... Ah si, ça y est, j'ai cru que j'arrivais pas à ouvrir ma fiche. Alors, test de détermination. Difficulté 3. C'est dans... Sang-froid. Sang-froid. T'es en bas à droite. Putain, c'est... Hop. Alors. C'est pas mal ça. Bien. Non c'est bon. Oh, 3 succès. Bon. Ça va. Je suis déterminé. Ah bah, écoute, ouais. T'as une suée, hein. Ouais, t'as, c'est pas évident, mais ça va, tu gères le truc. Écoute, pendant que tu lui racontes l'histoire, tu vois qu'elle elle n'hésite pas à te faire gentiment, mais assurément, du rentre-dedans. Ça se passe plutôt bien, on va dire, voilà. T'es content de toi, et tu résistes plutôt bien à ces tentatives de séduction. D'accord. Oups. Au bout d'un moment, voilà, ton histoire se termine, et... vous avez une des vitres opacifiantes hop, qui se recristallise et vous voyez sortir quelques personnes, une grande poignée de main et notamment le fameux Denis Strong qui regarde un petit peu et s'approche du comptoir où se trouve Bart le Noir et très certainement, puisque les autres y sont restés, j'ai pas entendu, Nev ainsi que Harold. Bah oui, hein, je peux rester avec moi. Non. Strong s'approche. Monsieur Strong. Capitaine Le Noir, c'est ça? C'est ça. Je lui tends ma main pour lui serrer. Il te serre la main. Qui sont vos amis? Ah, là, c'est deux personnes de mon équipage. Never et Harold. Oui. Il s'approche, il vous serre la main aussi. Madame, monsieur. Enchanté, enchanté. Enchanté. Bien, je vous invite à me suivre. Allons-y. Moi, je vais me lever hein, quand même en voyant qu'il arrive. Je vais gentiment me remercier la demoiselle de du temps passé avec moi, voilà. Et puis je dis écoutez, je crois que c'est l'heure pour moi d'aller voir votre mari. On est là quand même pour les affaires. Mais bien sûr, rien ne doit retenir votre bras. C'est ça. Bonne journée, elle marche mademoiselle un petit peu, hein. Ou madame. Elle marche un petit peu avec toi. Ah, un quatrième membre de votre équipage, j'imagine. Ah, Belette. Bah, tu étais où? Bonjour. Eh bien, madame, je vois que vous avez fait la connaissance de mon épouse, Olympe. Voilà, elle voulait savoir un petit peu ce qu'était le quotidien de notre travail. Et étant donné que vous êtes notre autre, je n'ai pas voulu faire... j'ai pas les mots là, mais faire honneur à votre hospitalité. Être indélicat. Voilà. Ouais, pas voulu être indélicat. Voilà, tout à fait. Bien. Oui, ce sont des gens tout à fait charmants. Et ils m'ont l'air d'être tout à fait dignes de confiance. Il serait très intéressant de pouvoir passer plus de temps avec eux pour découvrir ce qui se cache effectivement derrière leur mystère et derrière l'origine des marchandises d'exception qu'ils semblent avoir apportées. Je vous laisse à votre travail. Puis elle s'éloigne. Elle vous salue, elle s'éloigne. Merci, merci. Venez, par ici. Et il vous invite à rentrer dans l'un des bureaux. Ouais, bah... Non. Allez. Ah, il s'assoit. Il y a de l'eau à disposition, uniquement de l'eau avec des verres et quelques petits amuse-bouches. Mmh. Alors, messieurs, j'ai cru comprendre que vous étiez là pour représenter les droits et les avantages de la compagnie du Voyant Vert. C'est cela, tout à fait. Monsieur Tench n'était pas disponible, c'est généralement avec lui que j'ai l'habitude de faire affaire. A priori non, hein. La compagnie nous a demandé de nous charger de ça. Après je ne sais pas où est Monsieur Tench à l'heure actuelle. Bien. Il n'y a pas de... Écoutez, je ne fais affaire qu'avec des personnes que je connais. Malheureusement, je ne vous connais pas, même si vous me dites représenter la compagnie du Voyant Vert. Il va me falloir plus qu'un nouveau visage pour vous accorder les mêmes faveurs que j'accorde à mes partenaires réguliers. Si vous souhaitez faire affaire avec moi, sachez que je vous demanderai en gage de bonne foi... 2% sur le quota initial de vos marchandises. Nous sommes d'accord. Ça peut se négocier, ça peut se négocier. Oui. Bah, a priori, c'est pas comme si on avait le choix là. Ah non, en effet. Donc. Bien. Et deuxième chose, il faut que je vérifie votre accréditation de marchand indépendant. J'imagine que vous êtes vous-même marchand indépendant. Bah oui. Très bien. Donc vous devez avoir votre accréditation dûment délivrée par la Bourse Galactique comme marchand indépendant de l'OCG. J'imagine qu'on a ça, oui, ou on n'a pas? Alors ça, toi, tu l'as pas. Ouais. Bah on peut faire genre, c'est sur le vaisseau. On l'a laissé là. Ouais, il y a celui de Marcus, mais c'est le sien. Donc ouais. Là, en fait, tu vas avoir ton nom, en fait, son nom et pas le tien. Ouais. Sur le vaisseau. Faudra qu'on aille le vaisseau, non, c'est la personne. Ouais. Ah oui, folle. Ouais, voilà. Ça, bon, on les a pas emmenés, quoi. On pensait pas qu'on avait besoin de tout ça. Enfin, voilà. Bah écoutez, malheureusement, notre façon de fonctionner au sein de l'AMGIF 01, c'est d'incrémenter des personnes membres afin d'avoir des facilités transactionnelles avec nous et au sein de tous les membres de notre association, c'est-à-dire chaque comptoir avec un représentant présent au sein de l'OCG ou dans une autre station, vous bénéficiez de remises à la fois en tant qu'achat et de faveurs quand c'est nous qui nous fournissons à votre égard, et notamment un certain score de confiance. Ce qui fait que, au bout d'un moment, nous sommes d'une certaine manière, je dirais, moins regardants, car nous connaissons la valeur et la qualité de votre travail. Pour faire affaire avec moi, il faut bien évidemment répondre à ce critère. Et donc, devenir membre, vous-même, de l'AMGIF 01. D'accord. Donc, pour ce faire, c'est pour ça que je vous demandais vos accréditations de marchand indépendant, dûment certifié par l'OCG, puisque c'est la condition pour devenir membre. Nous n'acceptons que de réels marchands indépendants, légalement reconnus, pour éviter, bien évidemment, toute fraude auprès de l'Omnicartel, qui nuirait à son développement et à l'évolution et à la prise du gain. Je comprends, c'est vrai que je pensais pas que vous le demanderiez, mais oui, je comprends que vous ne puissiez pas accorder votre confiance non plus à n'importe qui. Exactement. Et donc, si effectivement vous avez votre accréditation, je vous laisse bien évidemment le temps de faire l'aller-retour à votre vaisseau pour m'amener vos papiers en règle. Eh ben, ça, hein. Bien. Ouais. Est-ce que vous souhaitez tous y aller ou alors seulement l'un d'entre vous? Bah après, de nous tous, la personne qui serait le plus apte à faire ce genre de choses. Harold. non, je sais pas. Ouais. Spécification. Alors ça va être compliqué de falsifier ce truc-là. Alors Harold, toi tu sais un peu de quoi il en retourne, un petit peu. Donc comme ça tu peux leur expliquer rapidement si vous prenez dites peut-être vous avez prenez un temps pour réfléchir à côté, peu importe. Alors, toi, ce que tu sais, c'est que pour devenir marchand indépendant, c'est pas une galère, mais c'est quand même un petit peu relou. Il faut avoir une accréditation auprès de la Bourse Galactique. Alors, une accréditation, c'est quoi? C'est en gros un papier qui te donne le droit d'acheter et de vendre des marchandises sur le circuit officiel de l'OCG. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut posséder une compagnie auprès de la Bourse Galactique. Donc, pour créer une compagnie, il faut remplir de la paperasse et déposer un capital de départ qui varie. Alors généralement au départ c'est souvent au minimum 5000 crédits parce que vos fonctions ça va être négociant, marchand, galactique. Et ensuite quand dans la paperasse tu définis tes actionnaires. Dans tes actionnaires il faut que tu aies l'un ou ça peut être une seule personne actionnaire, okay, ou plusieurs, mais il faut que tu aies au moins un actionnaire majoritaire qui soit ou employé par l'OCG ou une compagnie appartenant à l'OCG ou actionnaire d'une autre compagnie de l'OCG. En gros, c'est quelqu'un de l'OCG. C'est ce qui permet de faire en sorte que toutes les compagnies qui se créent, d'une certaine manière, appartiennent à l'OCG, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'OCG n'a pas de gouvernement, il n'y a pas un président ou quoi, c'est un directoire. Et donc, ils le tiennent parce que toutes les petites compagnies appartiennent forcément aux plus grandes, etc. Et les plus grandes compagnies, il y a toujours, en termes d'actionnaire majoritaire, il y a toujours l'OCG qui est là. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une politique commune après qui est déversée. Donc, et on n'a rien de tout ça. Vous n'avez rien de tout ça. Bah, tout ça se fait. Mais ça prend plus de 3 jours. Parce qu'en gros, là, le point le plus relou pour vous, c'est de trouver quelqu'un qui soit prête-nom et qui soit ou employé de l'OCG ou qui soit, enfin, en gros, qui appartient à l'OCG et qui accepte par confiance, donc suffisamment de confiance, de vous prêter son nom pour dire qu'il est actionnaire majoritaire de votre compagnie que vous allez créer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir du réseau dans l'OCG. Ça, c'est l'étape 1. Il y a deux autres étapes pour être marchand. Il faut avoir des accréditations. Donc l'accréditation, comme je vous explique, c'est un truc que tu achètes, hein, qui te permet de vendre et d'acheter et de vendre du matériel dans l'OCG, de manière légale. Ça, c'est l'étape numéro 2. En sachant que ça coûte plus ou moins de crédit en fonction de la région dans laquelle tu achètes ton accréditation. Voilà. L'OCG, tu as 5 régions et les prix, ça varie de 2000 crédits à 300 000 crédits, par exemple, hein, pour une région. Voilà. Et à la fin... Troisième élément indispensable pour être marchand indépendant, il faut une concession. Alors une concession c'est quoi? C'est quand tu te balades et que tu vas sur des planètes ou des zones où personne n'a été, tu négocies avec les gens du coin pour être en fait leur distributeur officiel. Donc en fait, tu vas dans cette planète-là, et c'est toi en fait le vendeur des produits de la planète, et tu te charges de faire le transporteur, tu le rachètes à eux, et tu vas les revendre. Et en fait, tu as un papier avec un accord avec cette planète-là. Et ça, c'est une concession. Et grosso modo, en fait, c'est à l'exclusivité sur un type de produit. Et t'en as généralement pour bah, toutes les planètes ou tous les types de biens spécifiques. Et c'est pareil, le coût d'une concession, c'est variable en fonction de la valeur du bien et du contrat que t'as fait avec la planète qui est sous concession. Donc c'est pas impossible, hein. Ça se fait pas. Ouais, mais là, si tu veux te faire l'aller-retour. Et je termine mon explication, capitaine. Et ça dépend, voilà, de la valeur du bien et tout ça. J'ai encore plus mal au crâne que quand je bois du grom. Vous comprenez pourquoi je suis au jus depuis tout à l'heure. Oh là là, mais c'est compliqué votre histoire là. Non mais là, clairement, on n'a pas le temps de... Bon, est-ce qu'on connaîtrait pas quelqu'un en échange de points de panache pour qui pourrait nous débloquer un petit peu la situation là auprès de... Bah tu... Alors, avant peut-être de faire ça, tu peux lui... parce que tu peux lui expliquer que t'as pas... Peut-être que t'es pas un marchand indépendant. Pour voir si ça lui pose un problème. On est au sein de l'OCG. Oui. À l'OCG, tout se paye. Sur Exa 01, ça reste une très, c'est là, une très immense halle marchande. C'est aussi celle où il y a le triple twister avec plein de tunnels et de voyants. Dans le sens où c'en est une qui est moins regardante parfois. Voilà, ils font des petits trucs quoi. On a été missionné en fait. On a été missionné pour faire ça. On n'est pas des marchands en fait. Nous, on s'en fout de faire du marchandage. Nous, on est des. On est des entremetteurs, on est des voyageurs. On a été juste missionné pour ça. Bah, hein, du coup, ouais, je pense qu'on est intérimaires. Qu'on n'est pas marchand. Quand vous lui dites ça, avec toutes ces infos, ouais. Il se dit qu'il s'en doutait un petit peu. À voir vos tronches, lui, tranquillement, à voir votre allure. Oh, ce délit de faciès. Il imagine deux choses le concernant, mais tout va bien, puisque vous êtes là pour une transaction et que tout le monde doit être quand même ressortir ravi d'une transaction. Hein, ça fait partie des 10 règles du commerce de l'OCG. Lui, ce qu'il imagine, c'est que vous savez très bien où se trouve le capitaine Tench et que vous savez aussi pourquoi il n'a pas décidé de venir. Donc, le fait d'accepter de faire affaire avec vous, malgré tout ce qui s'est passé, pour simplement 2% de la valeur marchande, il estime que c'est bien et que ça sera respecté ainsi puisque vous n'avez pas effectivement d'accréditation de marchand indépendant. Comme vous n'en avez pas, et pour prouver le fait que vous êtes des gens de confiance, au-delà de ça, il a besoin aujourd'hui de négociateurs de votre trempe pour négocier avec une capitaine pillarde du nom de Vixen Fury. Ouais. Prise de note. C'est simple. Hop. Cette personne, cette douce et charmante personne, si tant qu'on puisse être doux en étant capitaine Pillard, a fait l'acquisition, je ne sais comment, d'un bijou qui apparemment est assez exceptionnel, qui s'appelle l'œil rouge. Je souhaite en faire l'acquisition. Bien évidemment, hors de question pour moi d'aller la rencontrer en direct et de lui verser quelques crédits qui dépasseraient la somme. Je peux aller jusqu'à 10 000 crédits. Donc vous voulez qu'on aille négocier pour vous là-bas, quoi? Si vous me ramenez l'œil rouge de la manière dont vous le souhaitez, en plus des 2% supplémentaires de marque de confiance pour Marcus, je considérerais que nous pouvons faire affaire. Dans l'intervalle, j'ai regardé vos bons, tout me semble en ordre, et nous pourrons donc partir sur les négociations habituelles. Elle se trouve où, cette Vixen Fury? Aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que... vous pourriez la trouver très certainement au Triple Twister ou sur Exalia. Mais sur Exalia, je n'ai pas plus d'informations. Ouais, vous avez dit que je vous emmènerai au Triple Twister. Ça fait tellement longtemps. Ça me fera plaisir de revoir ce coin. Bah écoutez, je crois que je crois qu'on a un deal. Très bien, revenez avec l'œil rouge et j'accepterai de faire affaire avec vous. Eh ben, faisons comme ça. Allez. Let's go, le triple twister. Allez, rendez-vous au triple twister. Eh ben, c'est génial là-bas. De quoi de passer un bon oui, moment. Oui, oui. Mais si, oh là là. Eh bien, écoutez, messieurs. Je regarde Never, je fais n'hésite rien à ma mère, s'il vous plaît. C'est l'endroit préféré de Belette. Ah oui, ça. Là, je sais qu'on est toujours bien accueillis dans ce. Dans ce bar. Ah bah écoutez, vous entrez dans le Triple Twister, bar à l'ambiance enfumée, mais toujours festive. Donc, comme à l'accoutumée, comme dans vos souvenirs, vous voyez effectivement le. La grande estrade qui court au milieu des tables, complètement illuminée par des rampes de néons multicolores et plusieurs danseuses mutantes qui adoptent des postures lascives tout en révélant leur anatomie exotique. Au comptoir, des habitués qui commandent des cocktails locaux, couleur chimique bien évidemment, ça fume, ça mousse, ça fait des bulles. Et ici, tout le monde porte une arme et semble vraisemblablement prêt à s'en servir. Bienvenue au Triple Twister. Ah, ça c'est une ambiance que j'aime. Comme à la maison. Normal qu'elle en ait trois, elle, là-bas, capitaine. Ah, bah oui, bien sûr. Mais va donc. Et je te fais une grande tape dans le dos. Va donc la saluer. non, c'est bon, moi. Je vous laisse faire ça. Oh, fais pas ton petit jeune, hein. Belette, vas-y, fais-le. Ouais, fais-lui faire connaissance. Je le prends avec moi et j'en te tire. Non, c'est bon, ça. Allez, viens là. Je vais te montrer comment on fait. C'est bon, c'est bon. Je suis et je la suis juste en bon. Face, c'est genre. Tout peu de je regarde mes pieds, moi. J'ai léger vers le bar. vers le bar. Ah bah écoute, tu vois un mutant derrière le bar avec quatre bras qui est en train de préparer deux cocktails en même temps. C'est pratique d'avoir quatre bras. Bah ouais. Il regarde un petit peu dans vos directions. Il fait un signe de tête. Salut! Qu'est-ce que je vous sers? Bah, pour moi, ce sera un rhum. Je suis prêt en Eve. J'ai de fruits? Ils ne servent pas de jus de fruits ici! Ouais. Si, on a du jus de fruits, ma belle. T'inquiète. Prends un rhum. Tu vas te faire avoir. Suis le conseil de ton capitaine. D'accord, je prends un rhum, je filerai à Belette. Dites-moi. Quelques crédits, voilà. Ouais. Il n'y aurait pas une certaine Captain Vixen là dans le coin. Vixen dans le coin. Vixen Fury. Je lui mets quelques crédits, c'est sur le comptoir. Vous la cherchez pour des problèmes? Évidemment que non. On a l'air de chercher des problèmes. Comme les trois quarts des personnes qui fréquentent le Triple Twister. Il dit ça avec un large sourire. On est là pour faire des transactions. Des transactions. Pour proposer des transactions, voilà. Ah bah écoutez, vous la trouverez par là-bas, alors qu'il est en train de continuer avec une paire de bras à faire des cocktails. Donc une paire de bras, il y a le troisième qui vous sert vos rhums. Le quatrième vous pointe une direction, vous voyez une table à côté de la grande estrade avec un attroupement effectivement plus ou moins agité d'hurluberlu. En train de sautiller partout, de hurler, de tirer la langue, de jeter quelques crédits sur l'estrade et de se bourrer la gueule. Donc des pillards. Et assise un petit peu opposée à l'estrade, donc pour bien voir les danseuses se déhancher et jouer de leur leur corps svelte. Voilà, il y a effectivement une femme qui porte une espèce d'armure blindée, un peu stylisée à la mode pirate, à la mode pardon pillarde, donc assez agressive, complètement de couleur rouge un peu sang, et elle a un bandeau sur l'œil gauche et des grandes boucles d'oreilles créoles là. Et voilà, elle a un énorme fusil automatique, un gros pistolet, qui est posé devant elle. Et il y a aussi une épée tronçonneuse qui est posée aussi à côté de sa place. Et après, c'est un groupe de pillards, ils sont une quinzaine en train de chahuter. Et qu'est-ce qu'elle boit ? Il y a plusieurs bouteilles avec différents alcools, il y a des sortes d'équivalent de rhum, équivalent de whisky, il y a tout un tas de trucs. Ouais, je prends une bouteille de rhum avec moi. Et je vais me diriger vers sa table. Bon, je sais pas si tu me suis, Neb. Oui. Ah, on se dirige vers sa table avec la bouteille de rhum. Très bien. Belette. Harold, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Moi, je suis devant en fonction qu'on profite. Je dis, bah alors, bah, je lui tape dans le dos. Je fais un. Je suis par terre, moi. Je suis en train de siffler. Oui. C'est bien. pour la gonzesse. J'aime bien. Je fais. Je prends un peu de crédit, tu vois. Je lui donne et fais. Hey, occupe-toi de mon petit jeune, là. Il sait pas non, ce que c'est. Non, mais moi, je vais aller me chercher un verre. Je reviens. Non. Je le chope. Avec la force que j'ai, normalement, tu sais, il peut pas se barrer. Je fais non, toi tu restes là. Monsieur. Et donc, du coup, je paye la demoiselle pour lui faire un petit show, tu vois, un petit show personnel pour qu'il s'assure un petit peu. Donc, tu peux être plus ou moins très mal à l'aise, Harold. Choisis ton niveau c'est de malaise. C'est quoi votre couleur préférée, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Vous êtes plutôt montagne ou plage? Ouais, non. Oh là là. Voilà. Donc, bah, écoute, tu as une mutante avec trois seins qui se frottent et qui dansent autour de toi. Ah, tu vois, ça c'est la vie, ça. Ça c'est la vie. Oui, il y a plein de choses qui sont la vie après. Voilà, faire du vélo, c'est la Sois vie. Sois gentil enfin, avec la dame, elle se donne à fond pour toi là. Fais pas, respecte-la quand même. Avec son travail. Je la respecte. Vraiment, je la respecte beaucoup, mais ça met vraiment mal à l'aise, Monsieur Belette. Hein, quand même, c'est. On m'appelle pas Monsieur Belette, appelle-moi Belette. Oh. Ah ben non, mais là, vu ce que vous m'avez fait, si c'est Monsieur Belette, là. Oh, je pense que les gens autour, ils doivent rigoler de voir comment il est gêné, parce que bah, c'est pas quelque chose... Effectivement, ça rigole, il y a même des personnes qui affilent des crédits à une deuxième pour qu'elle vienne s'ajouter, donc t'as deux danseurs. Non, mais arrêtez. Il est vraiment jeune, Harold. Non. Et je regarde les autres et je leur fais genre, c'est bien, les gars. Et t'as quatre personnes. Il a 24 ans, mais c'est juste qu'il a vraiment pas du tout. Ah ouais, bah tu peux plus voir. C'est dans ce genre de truc. Comme ça. Bah Belette, tu as des amis de beuverie. T'as des amis de beuverie, Belette, qui viennent avec toi, donc tu peux blaguer avec d'autres personnes qui sont d'honnêtes contrebandiers. Ouais, bah du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser vraiment tout seul dans sa merde, parce que bah, voilà, là, elles sont en train de... Et moi, du coup, je vais me lever et je vais partir discuter avec d'autres gars, donc ceux qui ont payé un coup, enfin, ceux qui ont payé une nénette pour lui, et on va causer, genre, un peu tout et rien, voilà, quoi. Mais du coup, il va se retrouver vraiment tout seul avec... Allez. Voilà. Ah les potes. Faut avoir les meufs normalement. Hein. De votre côté, Neve et Bart, vous êtes arrivés à la table et en arrivant, effectivement, vous avez eu l'œil turquoise et perçant de Vixen qui vous a fixé, mais qui a surtout déshabillé du regard de manière assez animale, Neve. Ah, bah t'as bien fait de venir avec moi. Ouais, il va s'en servir. Bah, je vais m'asseoir. Hein. Et puis, je vois que votre verre est vide. Et puis, je vais y servir de ma bouteille de rhum. Tiens, Nev, qu'est-ce que tu fais? Je m'assois aussi. Et je rends le sourire à la dame. Bah, écoute, tu t'assois aussi. Bart, quand tu sers un verre de rhum, donc il y avait un verre vide devant Vixen, elle attrape le verre et elle le tape devant Nev. Ah, enfin, quelqu'un pour boire avec moi. Et elle attrape un autre verre qu'elle fait glisser dans ta direction sans même te regarder, Bart. Ah, bah je lui sers. Ah, elle est très amusée par la situation. Elle attrape le verre. On va les coincer, hein, nos nouveaux. Ah, pirates, deux, là, c'est sûr qu'ils vont prendre cher, les deux, là. Voilà, puis elle tape pour trinquer dans le verre qu'il y a devant toi, Nev, ce qui fait déborder un petit peu d'alcool et le pousse dans ta direction. Allez, santé ma belle. Et puis elle laisse l'enfil avant de le claquer au sol. Je vais essayer de faire pareil. Mais je regarde Bart en lui disant que je dois vraiment boire cul sec et tout. Qu'est-ce que je fais et tout. Je sais pas ce qui... Et puis... C'est quoi, capitaine? Je peux, capitaine? Bien sûr, suis ton instinct. Je vais prendre le verre et boire cul sec et sûrement tout vomir. Pour l'instant, tu bois, on n'a pas encore bu assez pour faire des tests d'alcoolémie, ne t'en fais pas. Ça passe, écoute, ça a du mal à passer quand même. Hein. Ok. Bah écoute, pendant que tu es en train de tousser, tu vois qu'elle elle a fait un mouvement de recul, elle avait l'air un peu déçue. Ah, capitaine, elle se tourne vers toi, Bart, elle te regarde. Ah, comme c'est décevant. Capitaine. Alors... Écoutez, la nouvelle recrue, hein. On est là un petit peu pour les former aussi, mais bon. Voilà, ça découvre encore un peu la vie. Et alors, qu'est-ce que me vaut le déplaisir d'un capitaine testostéroné? Eh bien, j'ai ouï dire que vous seriez en possession d'une breloque qui pourrait m'intéresser. Une breloque, j'en ai tout un tas. Elle attrape son revolver à plasma et puis en même temps qu'elle parle de breloque, tu vois qu'elle elle désigne les membres de son équipage, les autres pillards qui sont en train de s'amuser, de boire et d'aguicher les danseuses. De laquelle est-ce que vous voulez parler? Alors, cette breloque en particulier s'appelle l'œil rouge. Ah, elle fait tourner son revolver avant de le reposer bruyamment sur la table. Et elle attrape, sous la table, il y avait une mallette, hein, une petite mallette. Elle la pose, elle la claque violemment et elle l'ouvre. Et tu vois à l'intérieur, effectivement, il y a diverses pièces, des bijoux, des choses donc, qui ont l'air plus ou moins anciens, plus ou moins pas forcément humains, avec des métaux précieux. Et au milieu, il y a effectivement un énorme rubis rouge. Il est plus gros que ton poing et il est luminescent. Il luit d'une énorme lueur un petit peu étrange, violacée, donc rouge violacé à l'intérieur. C'est très très joli et c'est très gros. C'est ce truc-là que tu cherches, mon chou? En effet. 50 000 pour toi. Alors combien il avait dit que... 10. 10. Il m'a donné. Mais 50 000, si tu veux, je veux bien te le faire à 45. Si tu me laisses pas... Si tu me laisses passer une nuit avec ta copine, là. Alors, déjà, je n'ai pas... Mais plus de nuit. Alors, 18. C'est trop le temps d'un 18. Déjà, je n'ai pas raison de vie et de mort sur mon équipage. C'est à elle de choisir, et donc c'est à vous d'éventuellement de tenter de la séduire si vous voulez la voir. Tu veux le dire quatre regards en souriant. Pourquoi? Et d'autre part, clairement, vous savez très bien que ça ne vaut pas ça. Et qu'à ce prix-là, personne ne vous le prendra. Là, vous avez un acheteur. Ce serait dommage pour vous de laisser passer cette occasion. Vous savez que, au mieux, vous en toucherez quoi? 7500? 8000? Allez. On le sait tous les deux. Hein. Pas la peine de commencer à faire des grands airs ou autre. On sait comment ça se passe. Peut-être qu'on sait comment ça se passe. Mais ça, c'est quand nous sommes en négociation avec des êtres plutôt effrayés et lâches que sont les agents de l'OCG. Il me semble que peut-être face à moi, vu le ton que vous employez, vous avez plus de muscles qu'il n'y paraît. Pendant que vous échangez, vous voyez sur les Omnicom du Triple Twister, des grands écrans, les télévisions, les Omnicom, les retransmissions d'un match, comme toujours, assez violent de fastball, avec des gens qui essayent d'attraper tant bien que mal une balle, la balle d'acier avec ses mini-réacteurs et de faire un truc avec. Il y en a d'ailleurs là qui ont des espèces de battes, d'autres qui ont des espèces de points d'acier pour essayer de taper dedans ou de taper dans la tête de l'équipe adverse. Et au moment où il y a effectivement les écrans qui deviennent luminescents avec un bulle goal qui est annoncé, tu peux voir notamment la capitaine qui grince un petit peu des dents et qui attrape de la mallette qu'elle avait ouverte devant toi quelques crédits et elle les jette à l'autre bout de la table alors qu'il y a des pillards qui hurlent de joie. Ouais. Au départ, très certainement. Ah, mais sinon, est-ce qu'on pourrait pas essayer de rendre ça un tant soit peu plus intelligent? Et si nous jouions? C'est une bonne chose. Peut-être voudriez-vous faire un œil pour œil. Donnez-moi un de vos yeux et je vous donne le mien. Alors, là, de base, je vous proposais de jouer. Mais je suis prêt à parier un de mes œils que j'arrive en tout cas à gagner. Ah ? À gagner. Oui. À gagner oui. Le jeu Jouons. De mon choix. Alors, pas forcément. Nous pourrions jouer. Je sais pas quel genre de jeu, peut-être les osselets ou un truc comme ça, qui peut y avoir. Allons, capitaine. Cartes, vous n'êtes pas si lâche que ça, quand même. Vous venez... À quoi pensez-vous? Eh bien, nous pourrions jouer. Elle regarde un petit peu autour d'elle, elle regarde les écrans, elle fixe les écrans. Pourquoi ne pas jouer une partie de fastball? Je connais justement le lieu idéal pour ça. Hein les gars, qu'est-ce que vous diriez d'une bonne partie de fastball à la mode pillard? Et il y a toute la table qui se met tous à taper sur la table. Ouais. Commence à venir hurler comme ça. Fastball. Alors, qu'en dites-vous? Une partie. Eh ben, pourquoi pas? Si vous gagnez, je vous donne l'œil rouge. Si vous perdez, je prends votre œil. C'est de bonne guerre. Elle pousse un cri de joie avant d'inviter tout le monde, effectivement, à boire goulûment son dernier verre avant de partir jouer. Harold et Belette. Donc Harold, toi, les danseuses finissent par te quitter. Bon, allez. Bon, Harold, finis de jouer, là. Quoi? Oui, capitaine. On a un match à gagner. Subissez. Quoi? Belette, tranquillement, tu peux quitter tes camarades quand tu veux. Ouais, j'entends, j'ai bien entendu que l'ambiance a commencé à monter. C'est des équipes de combien qu'il faut pour ce genre de truc? Je pense que 4, ça va pas, être suffisant. Une équipe de 5 minimum. 5? On pourrait essayer de recruter quelques potes à Belette, là. Oui, bah après, avec ceux avec qui j'ai discuté... S'il y en a un costaud dans la masse, je peux essayer d'en causer, quoi. Il y a bien l'un des seconds du capitaine Marcus. Ah oui, sinon c'est vrai qu'on peut voir aussi avec le. Avec oui, bien sûr. J'avais pensé à ça aussi. Ouais, ouais. Donc, mais... ouais, bah sinon on va prendre des personnes de l'équipage. Je pense aussi. Un costaud qui connaît les règles. Hmm. Un de ceux justement qui est. Qui regarde pour les mêmes. Il regardait voilà. Même le second, les seconds, il regardait même les matchs qui se passaient à la, ah oui, bien sûr. Dans le vaisseau. Donc autant leur proposer à eux. Bah ouais, clairement. Clairement. Peut-être justement à la place. Bon. Vouloir être méchant, peut-être à la place Neve. J'imagine qu'elle sera forcément envie de se retrouver. Le capitaine va jouer ou va regarder? Ah, c'est. Vous allez. Elle. Je pense qu'elle va jouer. Elle va jouer, de toute façon, ce qu'elle veut, c'est que ouais. c'est vous allez vous représenter, et elle va représenter son équipe avec les personnes qu'elle aura choisies. Bah, c'est ça, donc... Elle cherche de l'adrénaline, quoi. Bah, justement, depuis sang. Les gradins, tu pourras peut-être la distraire. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Harold, tu veux jouer, toi? S'il faut, hein. Ah, bah donc, on va recruter juste deux personnes de l'équipage. Gaillard. Vous allez vous retrouver avec deux personnes de l'équipage. De toute façon, avant de vous quitter, de quitter le Triple Twister, elle vous donne un lieu de rendez-vous. Donc, c'est des zones d'entrepôt parmi les halles marchandes où il y a effectivement plusieurs espaces qui peuvent être utilisés pour, comme arène de fastball improvisée. Harold, hein, toi, tu connais bien ce jeu-là. Les règles du jeu, elles sont assez simples. L'idée, c'est de marquer le plus de buts possible en demi-temps de 15 minutes. Donc, c'est très rapide. Sinon, ça ne s'appelle pas fastball pour rien. Donc, la balle, encore une fois, c'est une sphère métallique d'environ 15 cm qui est propulsée aléatoirement par un ensemble de mini-réacteurs. Donc, ça donne un effet complètement improbable, on va dire, aux trajectoires et aux mouvements de la balle. Les meilleurs joueurs, ils sont capables de comprendre, on va dire, les trajets et les bips que fait la balle. Donc, elle fait des petits bips sonores, en fait, et à chaque bip, il y a des rythmes qui changent, en fait, elle est propulsée dans un endroit ou un autre. Et il y en a certains qui cèdent même des propulsions de la balle pour faire des vrilles et se rapprocher de leurs espacements. Tous les coups sont permis dans le fastball. Donc uniquement des armes non létales sont autorisées. Donc les plus, il y a trois catégories d'armes qui sont utilisées. C'est des points d'acier, des mini-battes et des petits boucliers ronds. Et les armures de sport. Donc ça, c'est les joueurs professionnels, ils sont équipés de cette manière-là. Et pour pimenter le truc... Il y a des règles alternatives, alors il en existe une infinité en fonction de la violence et de la rapidité de la partie. Là, en l'occurrence, elle, ce qu'elle a imposé déjà, quand vous allez vous retrouver sur le terrain, vous allez tous être équipés de fast rollers, donc c'est des rollers motorisés pour aller encore plus vite. Donc en termes de jeu, c'est quoi? C'est qu'en termes d'impact, quand vous allez faire des dégâts ou que vous allez prendre des trucs, en fait, il y a toujours un dégât supplémentaire à cause de l'impact. Vous pouvez aller plus vite, hein. Donc vous parcourez plus de distance, etc. 5 joueurs par équipe, en sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 10 remplaçants sur le banc, au fur et à mesure des morts, comme ça peut, ou des gens qui se cassent des choses, ça peut faire tourner l'équipe. Ça va être utile. Voilà. Il faut recruter plus de monde. Et ce qu'elle exigera, puisque si elle voit Neve ne pas commencer à s'équiper, elle vous dira, elle joue. Sinon, le marché ne tient plus. Donc, vous allez de toute façon tous les quatre jouer, plus un matelot. Puisqu'en ce qui concerne Maria et Gustave, eux, ils veulent pas prendre part, tout simplement, parce que si jamais ils sont blessés durant la partie, parce qu'ils peuvent pas utiliser d'armes létales déjà, et donc ça les emmerde, et que s'ils sont blessés, vu qu'ils doivent assurer la protection du vaisseau et qu'ils sont la continuité des directives de leur capitaine, ils peuvent pas, en fait, se permettre de se blesser gratuitement. Mmh. Ok. Ok. Et ils acceptent de vous prêter. Ils acceptent. En gros, il y a 3 matelots qui ont été tirés au sort pour faire une personne de plus et 2 personnes sur le banc de touche. En sachant que là, vous avez en face Vixen avec 4 pillards et il y a 10 pillards sur le banc de touche. Quoi. Ouais. Ok. Bon, je vous ai expliqué aussi les tenants et les aboutissants, hein, que j'ai quand même misé mon œil. Oh, ouais, bah si c'est ça, on se barre. Genre... Moi, je peux donc peut-être... Une lopette. Non. Moi, je connais un peu le sport. Je peux vous proposer peut-être une stratégie pour qu'on suive un peu Le coach plus que le capitaine, si vous voulez. Ça, je vous le laisse, le rôle de capitaine, capitaine. Le coach, quoi. Afin de pouvoir vous aider le mieux possible et qu'on puisse peut-être gagner. Il y a une tactique que mon club favori a utilisée souvent, il y a de ça 2-3 ans, et qui a été arrêtée d'utiliser, mais qui, je pense qu'il pourrait fonctionner. Et je suis en train de leur expliquer la tactique, justement, petit peu data. Ok. Eh ben, je pense que c'est bien sympa. Et j'essaie de planifier un plan d'action pour pouvoir les aider au mieux à marquer le plus possible et à envisager les scénarios au vu du tempérament de Vixen et tout ça. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de règles que tu souhaites faire ? Ouais, j'aimerais lancer un jet de stratégie. Allez, très bien. Donc ça va vous donner, ça va donc difficulté 1. Et ça va vous donner des bonus, notamment pour le premier test, donc sur le déroulé de la partie. Donc globalement, il y a trois étapes, on va dire il y a trois phases au niveau de la partie. Il y a prendre l'initiative, c'est attraper la balle dès le début, hein, c'est qui est-ce qui va choper la balle. Donc ça fait un test d'environnement espace, parce que la zone elle est plus ou moins pressurisée, dépressurisée, donc avec les mini-réacteurs ça permet d'avoir de jolis mouvements pour attraper la balle, donc vous aurez un bonus sur ce test là pour prendre la balle, et vous aurez un bonus divisé par 2 par rapport à ce que tu vas faire, donc c'est difficulté 1. Après pour le prochain test, donc sur la phase de progression, donc en progression vous pouvez ou vous déplacer, donc pareil c'est environnement espace, ou vous pouvez faire une passe, c'est test d'athlétisme, pour recevoir la balle c'est athlétisme aussi, pour ce que ça part dans tous les sens, ou vous pouvez tout simplement foutre sur la gueule, donc avec un test de mêlée, donc pour vous en prendre une ou éviter de vous en prendre une, ou vous pouvez même, si vous en avez envie, au lieu de faire une passe, au lieu de la réceptionner, vous pouvez taper dans la balle pour essayer de l'orienter, et ça se fait quoi qu'il arrive avec un test de mêlée. Et la troisième étape, la dernière, c'est marquer, en fait, c'est faire un tir. Faire un tir, ça se fait avec un test d'athlée. Et la difficulté, elle dépend de s'il y a quelqu'un, en fait, qui peut essayer de bloquer votre balle ou pas. C'est... Les tests d'athlétisme, c'est toujours 2. Pour faire une passe, recevoir la balle, ou pour tirer. Et pour tirer, c'est difficulté 4 s'il y a quelqu'un en fait qui est dans la zone d'embut adverse, tout simplement. Ok. Et voilà. Et si personne n'a la balle, il faut la saisir au vol, et ça, c'est un peu plus difficile. Donc c'est un test de mêlée. Difficulté 3, parce qu'il faut la choper, et elle se débat d'une certaine manière avec ses mini-réacteurs. Alors, quand vous arrivez sur le lieu, vous avez une espèce de zone... hop, on va faire ça. Donc comme une espèce de gros cylindre, une grande zone cylindrique, donc en tube comme un gros silo. 2, ça fait un succès excédentaire, donc vous aurez un dé de plus, un dé de plus pour votre test d'initiative. Donc vous êtes tous équipés avec vos rollers motorisés, vous n'avez malheureusement pas d'armure de sport. Bah non. On a et... pu récupérer comme des mini-battes ou des trucs comme ça. Ouais. Vous avez pu récupérer des armes non létales, donc des points d'acier, des mini-battes et des espèces de petits boucliers ronds. Okay. Donc tout sert à la fois à se défendre et à taper sur l'autre. Ouais, moi j'ai une mini-batte. Alors, pour faire plus simple, tac. Hop. J'imagine qu'on va pas faire 50 000 G, donc. Non, pas du tout. Plus que j'aille sur le bon sur les tokens, voilà, ça ira mieux. Pardon, hop, tout est hop, hop. Envoyé du pâté. Ah, ben je compte sur toi. Hein. Je pense que t'es le plus apte dans ce sport. Écoute, on verra bien. Hein. Bah, je pense aux carrures, c'est toi qui dois. Je pense, oui. Après, il faut marquer les buts. Est-ce que... C'est oui, bon, bah ça... Moi, j'ai un peu d'athlé, j'ai un peu d'espace et puis de la mêlée. Moi, j'ai pas grand-chose. Hein. Donc, vous avez normalement sur la... À la limite, je pourrais être discret. Sur la carte. Bon, après, on a du Metal Factor. Hein. Je pense que... Ouais. Peut-être pas oser... On a du point de panache aussi. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vous mets sur la carte. Les zones d'embut, elles changent. Donc c'est pour vous donner une grossière idée en termes de distance. Hop, donc il y a plusieurs niveaux. Et en fait, vous avez des espèces d'arceaux lumineux qui servent de zone d'embut. Et vous, vous avez en plus un compagnon. Hop. C'est ça. On a random marin numéro 42 avec nous. Voilà, heureusement qu'il est là. Ah ouais, non mais... Hop. Allez, eh bien, messieurs, madame, qui est-ce qui souhaite lancer les hostilités? Ouais, tu vas Bah fait, ouais, après moi, j'avoue que bon, je vais suivre un petit peu les directives de notre coach du jour, qui du coup a dû me confier la meilleure stratégie à mettre en place, qui était... Bah, de récupérer la balle déjà. récupérer la balle et jouer collectif. D'accord. Alors faut prendre la balle et puis marquer. Oh super. Oh, quelle stratégie. Bah du coup je vais essayer Quelle stratégie. Je vais essayer du coup de me diriger dans la direction deux, succès. Bah, là où faut choper la balle. Un des supplémentaires. Okay. Je vous laisse vous positionner selon la formation que vous voulez adopter. Ils sont mis en pointe, en tête de flèche. Bah moi, pareil, je vais être à côté de Belette hein, pour. Ouais, juste avant le match. Ouais. Juste avant le début du match, je vais envoyer un baiser à la capitaine. Je vais faire un test de séduction. Oh, ah, je t'en prie. Séduction. Sélection. Tu vois des points de panache au cas où. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Ouais, non, mais... séduction. Ouais. Ouais, remarque, oui. Un peu de panache. Assumer, hein. Un dé supplémentaire. Non, non, mais c'est pour la perturber, on n'ira pas plus loin. T'en sais rien. Point de panache, non, c'est pas qu'un dé supplémentaire, c'est que tu peux jouer sur la narration en fait. Ah, d'accord. C'est plus puissant qu'un dé supplémentaire. Le Metal Factor, vu que c'est rouge, si tu veux faire une espèce de séduction un peu agressive, mais là, vu que t'es loin, ça me semble complexe à distance. Le point de panache, oui, c'est pour influencer la narration. Ouais, je vais utiliser le point de panache et je vais la regarder dans les yeux et envoyer un baiser avec la main ouais, c'est déjà pas mal. Et tu se passe quoi? Je voudrais que ça la déconcentre en fait. Ok. Comme elle est celle qui doit rattraper en même temps en face de Belette, quoi. Donc yes. Et donc du coup que ça la déconcentre et voilà quoi. Allez, Belette, tu peux faire ton test d'environnement espace. Donc, t'as plus 1 dé. Alors, plus 1 dé supplémentaire. 1 et. Et tu peux cliquer avant de le lancer sur trop facile. Trop facile. Attends, mais il est. Ah, cool. Alors, coup, j'essaie de trouver environnement espace, je sais plus où c'est. C'est dans carrure. Carrure. Au milieu. Juste en dessous de GD1. Oui, oui, d'accord, ok. Ouais. Trop facile, c'est parti. Voilà, donc bah, voilà, trop facile. Ouh, si. Eh ben écoute, je te laisse décrire ton action alors qu'elle est complètement déconcentrée et subjuguée. En fait, elle est quand le coup d'envoi est sonné de manière automatique, en fait, elle reste fixée sur Neve. Donc je te laisse décrire ton action comme tu veux alors que tu vas récupérer la balbelette. Bah du coup, donc là on est sur des trucs qui se mouvent assez rapidement, donc je vais essayer de me projeter le plus rapidement possible dessus, et une fois que je chope, en gros prendre appui sur l'espèce de colonne centrale qui est à côté de nous, et repartir un peu vers l'arrière pour me retrouver parmi mes camarades et essayer de trouver la meilleure stratégie possible pour faire des passes et tout ça quoi. Foncez. Alors les autres, qu'est-ce que vous faites alors que Bebelette vient de récupérer la balle? Donc du coup, c'est à vous de réagir en premier. Donc tout le groupe, hein, Bebelette, t'as le droit de, t'as le droit à une deuxième action, d'écrire ce que tu veux faire. Donc pour progresser, encore une fois, donc vous pouvez vous déplacer, vous faire des passes ou tataner. Enfin, et tataner. Alors, où est le point de score, enfin là où on doit tirer pour marquer? C'est eux, quoi. Ça peut être en haut, en bas. L'idée, c'est qu'il faut réussir au moins un déplacement. C'est que ça te demande un déplacement. Il faut qu'il y ait un mouvement, en fait, qui soit effectué. Après, si tu as envie d'imaginer que là, c'est apparu en bas, au niveau inférieur, tu peux directement foncer au niveau inférieur. Ça peut être en haut, ça peut être derrière eux. Ça apparaît de manière aléatoire. En fait, à chaque fois qu'il y a un but qui est mis, le truc disparaît et il s'est mis à un autre anneau, en fait, qui apparaît à un autre endroit. D'accord. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que très rapidement, je vais essayer de me diriger en direction de là où est apparue la zone d'embut. Et, ouais. Et partir dans sa direction et en gueulant sur mes camarades de venir avec moi, en gros, pour si jamais je dois la passer à un autre, je la passerai, quoi. Ok. Donc toi, tu vas refaire un test d'environnement espace. Alors, tu as fait 6 succès à ton test initial. Ouais. C'était 2, donc tu as droit à 4 succès excédentaires. D'accord. Du coup, là, j'enlève le dé supplémentaire et le trop facile, hein, on est d'accord? Voilà, tu as 4 dés supplémentaires. Ah, j'ai 4 dés supplémentaires. T'as 4 dés supplémentaires par rapport à... Et par contre, c'est plus trop facile, c'est un test normal. Ok, donc j'ai dés supplémentaires 4 et environnement espace. Voilà, et c'est difficulté 1. Donc, au moins un succès pour réussir ton déplacement, pour te mettre en position. Voilà, donc t'as 2 excédentaires. Ouais. Donc, très bien. Au prochain tour, si t'as pas passé la balle ou si tu n'en es pas libéré, donc si tu décides pas de faire cette action-là, au prochain tour, tu devras faire un test de mêlée pour la garder parce qu'elle va se propulser toute seule. D'accord, ok. Ok. Donc je pars dans les la autres. Direction du truc. Vous voyez descendre. Moi je vais suivre Belette en fin de compte, hein, et puis choper le premier gars qui va s'approcher de lui. Ok. Donc, je te mets juste devant, hein. C'est juste pour positionner que t'es en protection. Ouais ouais. Nev, Harold. Ok. Moi de mon côté, en fait, j'essaye de me faire un peu oublier, de passer discrètement. Au niveau d'un pilier, du pilier central, et de les laisser, en fait, attirer l'attention pour passer, en fait, derrière toutes ces personnes là, en fait. Ok, tu peux faire un test environnement espace aussi pour te positionner au cas où s'il y a devoir une passe à faire, s'il te plaît. C'est difficulté 1. D'accord. J'ai un dé supplémentaire, c'est ça? Non, c'est juste difficulté 1. D'accord, ok. C'était pour la première action. Ok. Ok. Oh, ça va. Donc 3. Donc c'est-à-dire que t'as 2. Garde, souviens-toi que t'as 2 dés supplémentaires. T'as 2 excédentaires pour ta prochaine action. Donc si tu dois réceptionner, t'auras un bonus de 2 dés. D'accord, je vais marquer. Hop, je vais te mettre en dessous comme ça là. Pour identifier un peu. Mm. Nev. Faire du corps à corps avec. Ouais, c'est ce que je pensais, mais bon, c'était un peu chaud. Mais... Ouais, je vais essayer ça. Corps à corps avec la madame. Ah, mais pas du tout te battre, hein. Ah non, je pensais pas. Les yeux doux, c'est. Non plus, quoi. Voilà. Ah non, je t'ai foncé malencontreusement dessus. Fais un dessus, test de mêlée, s'il te plaît. La difficulté est de 5 face à ton opposante. C'est un test en opposition, mais globalement c'est 5, Faikal. Eh ben écoute, 3, ça fait échouer de 3, ça fait que tu prends 3 L. 3 légers. Tu veux la tataner, visiblement, en tant que capitaine pillarde expérimenté, elle semble plus à l'aise en mêlée que toi. Elle est équipée d'un poing en acier aussi, les poings en acier. Donc quand tu t'avances, elle rigole, tu vois, elle te demande si tu veux danser. Et dans votre échange de coups, elle te met un bon coup dans l'estomac en rigolant. quant au dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il va foncer pour tataner. Et ça se serait que sur un ex-écho. De leur côté, hop, Bart, tu vas pouvoir faire un test de mêlée toi aussi. Difficulté 3. Ok. Eh ben, j'ai fait 4 succès. Super. Donc tu lui en mets une. Hop. Il prend. Fauche les jambes là pour. Bart, tu peux refaire un test Toujours difficulté 3. Ouais, de mêlée, ouais. Donc ils se mettent à 2 contre 1 pour ah, là, c'est chaud là. Là ça ça prend ouais. pas bon là. Ouais ouais, c'est le, bah, le deuxième voilà, il y a deux ouais, c'est logique. À 2 contre 1 donc tu prends 2 L. OK. Et comme tu as réussi à te faire blesser une fois, il y en a un qui arrive à passer. Alors, belette, mêlée. Difficulté 3. J'ai un gilet protecteur, est-ce qu'il marche là ou pas? Ouais, il marche. Ouais. Si tu l'as pas enlevé, ça marche. Okay. Donc mêlée et oh, j'ai bah, pas oui. de on est d'accord, j'ai pas de dé supplémentaire là, c'est 0. Non, c'est 0-1. Bah, moi, tu utilises du Metal Factor. Oh là là. Oh putain, oh, bah, non, donc, ouais, j'ai pourri. Mauvais, là. Alors, tu t'es fait toucher, donc ça fait 2 L. Si t'as un gilet protecteur ou quelque chose, toi aussi, ça passe à S. Ah, ah si vous avez. Que j'ai un ouais, je crois gilet. Que t'avais un gilet aussi, Nev, donc ça passe à S. Mmh. Donc c'est juste au-dessus, ce qui est le minimum. D'accord. Ok. Alors, vu que tu t'es fait toucher, donc pareil, 2 S. Enfin 2L mais qui deviennent 2S, ça veut dire que tu peux perdre la balle. Donc il faut que tu refasses un test de mêlée difficulté 3 pour pas qu'elle t'échappe des mains. Alors test de mêlée difficulté 3. Je vais pas le louper à chaque fois de toute façon, parce que quand même faut pas déconner. Voilà, là c'est mieux là. Ah bah oui. Très bien. Alors pour le prochain tour, si tu décides de garder la balle en main, tu pourras faire un test d'environnement espace avec donc normalement c'est 4 succès excédentaires mais c'est divisé par 2, donc 2 succès excédentaires. Donc pour essayer de t'aider de la propulsion pour t'éloigner. Donc d'accord. En gros t'auras un test, si tu veux faire c'est un test environnemental difficulté 3 pour t'aider de la propulsion en sachant que t'auras 2 dés supplémentaires toi sur ton test. D'accord. Voilà, tu peux pas le faire pour tirer mais tu peux le faire pour refaire un déplacement. D'accord, ok. Et d'ailleurs c'est à vous de choisir ce que vous faites. Bah vas-y hein, approche-toi. Bah, moi je vais sur nous donc les cages elles sont 2 dés supplémentaires et fonce donc, hein. environnement espace. Allez, on va essayer de s'avancer un peu. Oh putain. Oh, ça a l'air c'est 3, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup bah je vais essayer de me rapprocher de l'embu. Hop. Schématiquement, je vous ai placé les deux zones d'embut. Mmh. Après, tu me dis hein, où je suis. Hein. Je me suis déplacé volontairement, mais tu peux c'est me pas... dire... Ouais, mais peu importe, tu t'es déplacé juste le plus proche de la zone d'embut. Hop, ouais. qui était le plus proche, c'est Harold. Donc si tu veux lui faire une passe, tu peux. Et ben, je vais lui faire une passe tout de suite. Donc c'est athlétisme difficulté 2. Et Harold, il faudra que tu fasses un test d'athlétisme difficulté 2 toi aussi pour recevoir la balle. Si okay. t'as envie, au lieu de la recevoir, de taper dedans pour essayer de l'orienter afin de faire un tir dans la foulée, c'est un test de mêlée difficulté 3. Voilà, difficulté 4 facteurs. Hein. Moi, ça passe. Ouais, je vais attraper la balle, du coup. Et du coup, j'ai mes 2 dés supplémentaires dus à mes réussites de tout à l'heure, c'est ça? Exact. Donc ouais. Athlé, difficulté 2, et t'as 2 dés supplémentaires. Ouais. Bah, ça passe. Ça passe. Ouais. Harold, tu as récupéré la balle. C'est à toi. Enfin, c'est à tout votre groupe. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire à ton tour, Harold? Bah, je vais essayer de mettre la balle dans les buts. Hein. Bah, ça va être un test d'athlé. Et c'est difficulté 2, puisqu'il n'y a personne pour protéger la zone dans le but. J'ai utilisé un point de Metal Factor. Je peux ou pas pour la balancer violemment en fait Athlée c'est pas en rouge. Athlée c'est pas en rouge. C'est pas en rouge. Ah oui non. Bah alors, ouais. Bon. Alors bah tant pis. Vas-y. Fais-nous rêver, fais-en deux puis c'est tout. Voilà. Oh, parfait. C'est bon. Voilà. Ouais, un but. Bien sûr la petite danse qui va bien tu vois. Hein. Mais... Exactement. Comment as-tu fait pour être là-bas aussi vite? Eh bien, écoutez, les positions ne changent pas. Cependant, ça met un terme directement au tour. Et en fait, c'est par rapport à ceux qui sont plus au centre, puisque la balle, en fait, elle est propulsée, elle est repropulsée vers la masse, vers le centre. Donc, une fois que tu as marqué, en fait, les zones d'embut, les cercles disparaissent, ils changent de côté. Schématiquement, on va les laisser éloigner, hein, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'en fait là sur le test d'environnement espace pour récupérer la balle, pour attraper la balle, les seuls qui peuvent le faire c'est Nev ou Bart. Bah, on va tenter le coup hein. Donc Nev en fait, et Bard, vous avez la balle qui va revenir vers vous. Lequel des deux souhaite l'attraper? Ou si vous souhaitez tous les deux l'attraper? J'imagine que je vais être meilleur que toi en environnement espace. Quatre. Oh bah j'ai pareil, donc on peut essayer, si on essaye tous les deux, hein. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Tous les deux, hein. Voilà. Hein. Je pense qu'on va pas se gêner non plus, hein, si on le fait tous les deux. Oh là là. Allez, fais deux succès. Et bah c'est Bart. Hop, qui va arriver à la réceptionner. Yes. Lui qui est aux prises avec deux camarades. Bart t'a réceptionné, Nev, qu'est-ce que tu fais? Et Bart aura une action supplémentaire, hein, si tu veux refaire une passe ou faire quelque chose. Donc on est au troisième tour de jeu. Je vais... En fait, c'est moi qui étais réceptionné, mais je peux aussi, en fin de compte, la taper pour l'envoyer vers quelqu'un, en fait, de cette manière-là. Bah, en fait, ouais, je vais peut-être plutôt faire ça, en fait, pour l'envoyer justement vers Belette. Bien évidemment, vous doutez que votre zone d'embut, c'est celle qui est à l'opposé de votre moitié à chaque fois. Oui, oui, oui, évidemment. Voilà. Mais Belette, ça reste quand même notre perceur, tu vois, c'est notre lance. Un test de mêlée, c'est ça? Test de mêlée, tout à fait. Oh là là, c'est quoi ce jet? Bon, deux succès quand même. Hop, deux succès. Bah écoute, tu as renvoyé vers Belette, mais la balle, elle est entre Belette et hop, Roger, le pillard. Faut que je fasse quoi, moi, là? Nev, qu'est-ce que tu fais juste avant? Je vais me reculer vers la zone de où on doit marquer. C'est possible? Ouais, bien sûr. Tu fais un test d'environnement espace, s'il te plaît. Super. Ah bah, écoute... Je te laisse décrire ton action, tu peux te rapprocher et même quasiment à côté de la zone d'embut, hein, rouler sur tout ce que tu veux, t'envoler, sauter, faire comme tu veux, pour te désengager de Vixen et t'y rapprocher. Je crois que non, il veut reculer vers notre zone d'embut, c'est ça? Non, vers celle de... D'accord. Je vais tourner et puis esquiver la capitaine. Et passer entre le capitaine et l'autre gars et me diriger directement vers la zone. Voilà. Super. Harold, toi qui as marqué au tour précédent. Harold, lui, il va faire un truc. Ok. Il y a la balle au-dessus, du coup il peut pas l'atteindre, c'est ça? La balle, ouais, elle est entre Belette et l'autre adversaire. Ok. Je vais essayer de gêner l'autre adversaire, en fait, lui agripper la jambe pour lui permettre à Belette d'être le mieux possible, quoi. Très bien. Tu fais un test de mêlée, s'il te plaît. Ok. Un succès. Eh ben, écoute, tu commences à l'agripper. Belette, c'est à toi. Ok, donc là, c'est quoi? C'est du mêlée aussi? Mais là, ce que tu veux faire. Bah, en fait, je veux attraper la balle. Enfin, Ok, si tu veux l'attraper, c'est de la mêlée, mais tu l'auras attrapé, donc tu pourras après, il faut faire une passe. Il peut faire une passe directe. Il peut taper dedans, sinon pour essayer de l'envoyer quelque part. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est taper dedans, mais genre de façon assez puissante, pour qu'elle arrive du côté de Nev, puisque Nev est déjà placée de l'autre côté. Ah ouais. Donc, essayer de la taper dedans et qu'elle soit le plus proche possible d'elle, en fait. Ouais, bien sûr. Alors là, comme tu vois, en fait, sur, schématiquement sur le plan, parce qu'on ne tient pas compte de la hauteur ou quoi, parce qu'il y a peut-être qu'ils sont plus hauts, plus bas ou quoi. Mais comme il y a forcément des gens sur ton trajet, ça va être plus difficile pour y arriver. Donc, ça va être un... Là, tu fais un test de mêlée difficulté 5. Sinon, c'est pas qu'elle ne va pas y arriver, c'est que les autres vont avoir la possibilité de l'intercepter. D'accord. Si tu le réussis, en fait, c'est tellement bien fait qu'ils peuvent pas l'intercepter. Mais là, je vais utiliser 2 points de Metal Factor. Et voilà. Donc je mets 2, c'est ça, dans 2 Metal Factor. Et je lance mon test de mêlée. Ah. Ouf. T'as bien fait, je pense. Ouais. Ça a envoyé. Boom. Alors, que tu fasses ensuite un test de mêlée. Belette, difficulté 3. Bart, il faut que tu fasses un test de mêlée, difficulté 6. Parce qu'il y a un tous pour un pour faire plus simple. Harold, un test de mêlée, difficulté 3 aussi. Je vais utiliser du Metal Factor aussi. Enfin, je vais laisser les autres faire leur jet déjà. Ok. Donc tu prends un L, Harold. Donc il devient un S si t'as un régulier. Ouais. Voilà. Ouais. Et t'en prends 2 belettes qui deviennent des 2 S. T'as ton gilet. Ouais. Donc moi je vais utiliser 2 points de Metal Factor. Ça m'en donne 1. Ah bon, ça va. Donc 2 L. Minimise quand même. Pareil, qui deviennent 2 S. Ok. Allez, très bien. Quatrième tour, Neve, la balle file droit dans ta direction, peut-être un peu trop vite en direction de ton crâne d'ailleurs, il risque de se passer un truc. Il va falloir que tu la rattrapes avec un test de mêlée difficulté 3, si tu la rattrapes pas, tu vas la prendre en pleine poire ou dans l'abdomen, ça risque de te faire mal. Allez Neve, fais-nous rêver. Mêlée, c'est ça? Difficulté 3, ouais, faudrait que je sois très forte là. Bah, mais Metal prends Factor, du Metal Factor. Ouais, hein. Metal Factor. Je savais pas si je pouvais. Bah, si, la caractéristique est en rouge, tu peux. D'accord, je savais pas. Pour la prochaine fois, tu pourras. Alors, tu prends 3 L qui deviennent 3 S, et la balle est dans ta zone, mais c'est pas toi qui l'as. Harold, que fais-tu? Harold, il tient toujours le gars là, j'imagine. Pour l'instant, vous êtes toujours en mêlée. Ou tu fais un test de mêlée pour l'obliger en fait à faire un test de mêlée avec toi. Donc tu dois le tenir. Okay, non, j'essaie de l'intimider en fait. Je lui dis bouge pas ou t'es un homme mort. C'est vrai que c'est tellement intimidant. Oh, putain, bah ouais. Ça. Oh putain, ouais, c'est petit jeu, celle-là. Oh, je viens sur une larme, je suis un... Ça y est, grandit le petit. Visiblement, ça l'a choqué. Tu sais pas s'il est surpris ou vraiment intimidé, mais en tout cas, il comprend pas trop ce qui passe, il fait un mouvement de recul en arrière. On avait dit pas les mamans. Bart. Ne guidez pas, je suis un as du jeu. Moi, mon idée en fin de compte, hein, c'est de les garder sur moi en fait, hein, pour pas qu'ils aillent sur la balle. Hein. Donc mêlée, j'imagine. Bah ouais, ça va être mêlée. Hein. Allez. Tu t'en prends à qui de manière principale, à Vixen ou à un des pierres? Elle est mieux équipée, mais elle est plus dangereuse en même temps. Je vais m'en prendre à Vixen. Difficulté 5 à ton test de mêlée. Je fais 4. Très bien. Bah, tu prends un L sur votre échange qui devient un S. Sur l'échange, de coup, elle prend l'ascendant. Et tu l'obliges au prochain tour à faire un test de mêlée, donc elle pourra que rester avec toi. L'autre aussi, il est bloqué. Belette. Moi, ce que je vais faire, c'est... Je serais bien tenté c'est... quand même d'essayer de me rapprocher de Neve si jamais elle avait un souci. Ouais, est-ce que tu vas faire un test de mêlée. Je me sors un test qui t'empêche. Ouais, il va t'empêcher de partir. D'accord. Du coup, test de mêlée, c'est parti. Ouais, tu vas pas m'empêcher longtemps. J'ai énervé, hein. Tu lui mets un bon taquet. Hop. Ok, très bien. Et donc après, tu vas pouvoir te déplacer un petit voilà, peu. Voilà, c'est ça. Tac. Bart, il va falloir faire un test de mêlée difficulté 6, s'il te plaît. Je vais réutiliser du Metal Factor. Combien tu m'en donnes? Je t'en donne un, du coup, j'en utilise deux. Allez. Ah, donc, ça fait. Ouais, tu prends deux. Hop. Ok. Ça commence à saigner. Bart, ouais, commence à être. Ouais, il le sent. Léger, là. Comment c'est en léger, là? Le premier sang. Cool. Ouais. Ça y est. Mais j'ai l'habitude. Bon, les pirates, quand même, merde. Hop. Comme si, ouais. La balle a été récupérée. Neve, qu'est-ce que tu fais? Il y a un pillard qui a sauté à côté de toi et qui a attrapé la balle. Je vais essayer de la récupérer. Mêlée. N'oublie pas, tu peux utiliser des choses. Ouais. Il nous en reste encore. Je peux en utiliser deux, c'est possible. Donc je mets deux dés supplémentaires, c'est ça? Tu peux en utiliser du Metal Factor par rapport à toi, tu vois, en mêlée. Donc t'as pas de point, t'es à 3. Donc si tu veux, tu peux aller jusqu'à 3 dés sans aucun souci supplémentaire. Ok, bah je vais faire ça. Tu les mets où? Tu les mets dans Metal Factor utilisé, c'est ça? Ouais. Non, ça sert à rien. Il faudrait que je l'active le petit module, et le petit module il est un peu fou. Il marche. On les met directement dans des supplémentaires, c'est ça alors? Ouais, voilà, vous les mettez dans des supplémentaires, et moi j'ai le compteur qui est juste au-dessus, à côté de la légende, là, avec tous les 50 dés. J'ai mis des zones, et moi je le déplace, le token, à la main. Tout à l'heure, j'avais pas mis du coup. T'avais mis combien de dés, toi? J'avais mis le curseur dans dés, j'avais mis 2 dans Metal Factor utilisé, mais j'avais pas mis dans ces supplémentaires, donc du coup ça a pas dû... Ouais, mais ça te fait... Si, ça te fait quand même lancer les dés supplémentaires. Ah d'accord, ok, bon, t'as pas mal. Ah ouais, ça le fait quand même. Non, ça c'est juste pour le compteur Metal Factor que je tiens. Ah d'accord, ok. Pardon, okay. C'est moi. Donc 3 dés supplémentaires, mêlée, c'est parti. Ah bah voilà. Heureusement. Bien. Ah bah voilà. Allez, toi, tu t'es équipé de quoi? De points d'assiette, d'une mini-batte, d'un petit bouclier? Qu'est-ce que t'as voulu prendre? Et puis tu peux tout simplement lui taper sur la tête et lui faire lâcher la balle à ta convenance. Une batte. Allez. Une batte, bah, et écoute... je lui donne un grand coup de batte sur la tête. Non, sur la tête, pas forcément d'ailleurs, des endroits plus intéressants qui pourraient. C'est-à-dire? Un peu plus bas. Hein. L'entrejambe, par exemple. Le menton. Ouais, voilà, c'est ça. Bah écoute, le thorax. Tu fais un violent retour dans l'entrejambe par derrière. Qui fait un gros hoquet sur ses rollers motorisés qu'il envoie s'écraser par terre, et la balle, elle s'envole dans les airs. Est-ce que tu veux tenter de retaper dedans à la volée? Pour la faire aller ailleurs ou non? Ouais. Pas forcément. Elle est bien où elle est, parce que non, elle est proche du. Non, de pour marquer. Non. Ok. Pour marquer. Ah. Pour marquer, mais c'est quoi? C'est pareil. C'est de la mêlée. Ouais. Si tu l'as récupéré comme ça, c'est en mêlée, c'est pas en athlée. Ouais. Elle pourrait l'envoyer autre part. Malheureusement. Non, mais c'est Belette. Non, je vais laisser Belette le rattraper. Il est en chemin. Non, allez, c'est bon. C'est ça. Alors, avant de terminer le tour, Harold. Ouais. Vas-y. Alors, Harold. J'avais fait mon tour, moi. Je l'avais. Vas-y. J'avais insulté. Il a eu peur. Ouais, il a eu peur. Mais tu peux refaire autre chose si tu veux, s'il a peur. Non. Si tu veux te désengager, tu peux. Ok, je vais du coup partir. Non, je vais le garder en fait avec moi. En fait, j'ai un bouclier en fait, et je mime que je vais le frapper, que je vais lui casser la gueule en fait. Justement, je fais en sorte que il se dise, si jamais je me retourne, il va me déchirer. Si jamais je l'attaque, il va me déchirer. C'est ça mon but là. Très bien. Tu vas venir te faire supporter par un matelot qui lui met un grand coup de poing en acier dans la tronche. Pendant qu'il est distrait par tes intimidations. Donc c'est un très facile, donc il met une grosse mandale dans la gueule. Bart. Oui. Bah je vais toujours essayer de garder les deux là pour pas qu'ils aillent gêner. Ok, mais les cinq. Vixen, elle va essayer de se désengager. Donc si tu loupes ton test, elle va se désengager. Mais les 5, du coup, je vais utiliser du Metal Factor pour en utiliser 4. Hop, j'en prends 3. Oh, mais c'est quoi ce jeu ? Sérieux ? Oh, la vache. Ah ouais, oh mais sérieux, quoi. Elle profite du fait... Bon, bah, 1 sur 5, ça fait 4, hein, ça fait 4 L pour toi. Elle profite du fait que son sbire te saute dessus et te plaque au sol pour qu'on sente rouer un peu de coups. Votre capitaine, il est dans une sale situation. Hein. Il commence à vraiment se faire amocher, hein, pour se désengager. Belette, qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah, moi, je pars directement dans la zone de balle, en fait. Là où il y a la balle. Très bien. Donc, tu vas faire un test de mêlée. Hop. Difficulté 5, s'il te plaît. Parce que vous allez arriver au même temps avec Vixen, donc il va falloir faire un truc. Ah, ok. Bah, du coup, je vais utiliser aussi du Metal Factor. Je vais en utiliser 2. Donc, on est d'accord, je mets ça dans le dé supplémentaire ou dans Metal Factor ? Comme tu veux. Peu importe. D'accord. Mêlée, c'est parti. Bien. Ça doit passer, ça. Oh. 7 succès, c'est 7, bon. 2, ouais, oui. Super. Bah, écoute, tu lui mets un... Bouah, tu peux mettre une mandale, décrire ce que tu fais, et derrière, si tu veux, tu peux tenter un tir. Et ben, c'est ce que je vais faire dans la foulée. Et donc, le tir, alors, c'est... Attelé. Et là, ce sera difficulté 2, puisqu'il y a encore une fois personne pour bloquer. Ça passe. À l'aise, Blaise. Sans regarder. Yes. Allez. Eh ben, écoutez, messieurs. Parfait. La partie s'enchaîne. Les 15 premières minutes filent à toute allure. Hein. Les 15 minutes suivantes de la deuxième mi-temps sont sur la même lancée, même si Vixen Fury avec ses pierres arrive à mettre quelques balles. Le score final est sans équivoque. Donc il y a un joli score de 8 à 4 en votre faveur. C'est ça, les gars. Bien joué. Eh ben écoutez, une fois que la partie est finie, vous vous félicitez. Et là, capitaine Pillard, même si forcément elle est agacée d'avoir perdu, elle réprimande surtout ces hommes qui ont été exécrablement nuls. Elle vous félicite. Et bonne joueuse, elle te donne Bart l'œil rouge. Ah bah voilà. Ah bah nickel. Cependant, avant de te le donner définitivement, elle te demande de lui jurer que lorsque vous vous rencontrerez à nouveau, tu lui offriras avec ton équipe une revanche. C'est de bonne guerre. J'accepte le deal. Vous vous serrez la main et tu as gagné le rubis prénommé l'œil rouge. Alors. On a eu pour 10 000 crédits, bien évidemment. Oui. Bon, ah bah oui. On peut peut-être dire 9. On l'a eu pour 8 500, tu vois. On a bien négocié. Allez, 8 500 crédits, bien évidemment. Bah, on verra ce qu'il nous propose. Ouais. Arrêtez de faire descendre le prix alors qu'on a encore rien négocié. Non, mais si on nous demande ouais, vous en avez eu pour combien ? Pour pas paraître pour des branques, peut-être dire qu'on en a eu pour 9000 crédits. Ou, comme ça, on est bon négociateur, tu vois, on n'est pas des gros nazes. Voilà. C'est le fastball, hein, c'est ça ? Le fastball. Le fastball, ouais. Fastball. En tout cas, le capitaine, va falloir vous faire soigner un petit peu, hein, parce que là, ils t'ont bien amoché, les salauds. Eh ben, du rhum suffira pour ça. Je tape sur les épaules de Neve et mon petit Harold pour leur dire que je suis fier d'eux. ils ont fait du beau boulot. Ouais, oui, c'est on est fiers de tout le monde. Hein. Oui. Et même Marin Random numéro 42. Ah oui, oui, non, bah, oui, je le cite pas, mais c'est évident que. Voilà, mais bon, plus voilà. Eux, parce que forcément, c'est l'équipage, quoi. Le vrai. Et ouais, on est un vrai équipage. Il s'appelle Marin maintenant. Marin, il a gagné, c'est ça. Il a gagné un nom, ouais. Voilà, c'est le métier qui rentre. Ouais. Ah bah, on va retourner voir. Oh bah. Délice. Oui. Ah bah écoutez, vous revenez la gueule plus ou moins amochée sur la tête du R. Et vous êtes réceptionné, sourire aux lèvres, par Denis Strong, qui vous invite à passer dans ses bureaux pour conclure votre affaire. Bien évidemment, il vous demandera le rubis, qui fait office d'accréditation pour travailler avec lui, première accréditation. Il vous rappelle que vous lui devez toujours 2% supplémentaires d'assurance acheteur. Mmh. Comme vous n'êtes pas revenu... 4% en tout, c'est ça ? Non, 2% en tout. Ça, c'est 2% uniquement pour l'assurance acheteur. Ok, d'accord. Donc, il y a le rubis, et ça, c'est pour votre preuve de bonne foi, comme quoi vous pouvez faire affaire avec lui. Ok. Très bien, que ce soit maintenant et pour l'avenir aussi, si jamais vous avez besoin de refaire affaire avec lui plus tard. Donc ça, c'est bon. Et pour ce premier échange, vu que vous n'êtes pas venu lui demander quoi que ce soit, donc il considère que vous avez finement négocié le rubis, parce qu'il ne vous avait pas donné 10 000 crédits. Hein. Il ne vous avait pas filé des lingots, il vous avait dit qu'il pouvait aller jusque-là, il ne vous a rien filé. Hein. Mm-hmm. Et donc ça va être le moment de la négociation. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober.